Nouveau numéro de VGBM en compagnie de, en compagnie de toute l'équipe. Oula, je bug déjà dès le début, ça va pas le faire. Et avec nous, celui qui revient quand même. Ça fait quand même un certain temps quand même que tu es parvenu. Je ne crois pas. Ah oui, c'est vrai. Je... Bonjour, bonsoir. Bonjour Ismaël, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ben, ça va très bien. Nouvelle émission, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui ou pas? Oui. À peu près. Non. À peu près, bah, on verra tout à l'heure quand je vais vous dire les films de la semaine. Et avec nous aussi le duo de choc. D'abord, j'ai envie de présenter Sofiane. Il présente toujours Sofiane. Bah, je suis le premier dans la. Mais parce qu'il est plus près de moi, voilà. En fait, donc c'est pour ça. Non, tu sais quoi, on change. Je présente d'abord Guillaume. Ok. Guillaume avec son jus de carotte. C'est important ouais. De dire. Bah ouais. Très bio ou pas? Détox. Il est bio ou il est pas bio? Je pense pas. Hein. C'est un franc prix. Hein, donc, Non, non, c'est monoprix, gros. Je suis persuadé que c'est un franc prix juste à côté. Non, c'est monoprix. Ah ouais. C'est en face le mono de Franprix. Mmh. Ok, autant pour moi. Comment ça va la semaine? Ça s'est bien ça passé va. Ou pas en bah, général dans ta vie? Ouais. Donc, c'était cool. Pour mais... le boulot ou pour. Ouais, pour le boulot, ouais, mmh. Séminaire. C'était sympa, c'était cool. Ouais. J'ai un peu trop bu. Mais... D'où le jus de carotte. D'où la tronche aussi. Et est-ce que t'as parlé. T'as... Ça y est, tu parles italien maintenant ou pas? J'ai pas mis un pied dehors. Merci Guillaume. Et Sofiane est aussi avec nous. Salut. Ça va bien? Ouais, et toi? La semaine aussi pareil? Pas à Rome, mais à Paris, dans la plus belle ville du monde. Ouais. Pas tu t'es bien occupé, quartier. T'es allé au Cinoche. Je suis allé au ciné, j'ai ouais. Joué, j'ai beaucoup joué aussi, mais ouais. Bon, rien à voir avec l'émission. Okay. Mais jouer oui, quoi, oui. Poker, jeux vidéo. Un petit Texas Hold'em. J'ai dit Hold'em. Je vais refaire, pour... vous inquiétez pas. Non, non, j'ai fini. Je suis en train de refaire les Dark Souls et j'ai fini le 2. Ah oui, d'accord, ok. Et en, c'est très en, bien. En vrai, mais tu fais en télémarathonien ou pas? Ou tu fais de temps en temps comme ça, tu prépares un petit ouais, peu. Non, je dose quand j'ai un week-end. J'ai ouais. Un week-end de 3 jours, moi. Donc, dès que j'ai du temps dans ce week-end, okay. Je m'arrache et j'ai acheté une Switch. Voilà. Ah oui. Bien, ah, bien à dire, j'ai okay. Acheté une Switch avec Mario Odyssey et pas mal d'autres jeux aussi que j'ai déjà acheté avant. Avant d'avoir acheté la console, parce que je savais que j'allais jouer, et c'est incroyable. Mmh. Voilà. J'avais une question, parce que je pose toujours une question à chaque chroniqueur, mais là on va faire une question de groupe. Allez. Ma question elle est très simple, est-ce que vous êtes des gros consommateurs de films? Ouais. Et on parle pas des séries, hein, vraiment juste films. Oui. Oui. Oui. Ismaël. Oui, mais occasionnellement, c'est par période. Alors oui, ça dépend, ouais. Voilà, il y a des périodes où je peux vraiment me taper au moins une bonne cinquantaine de films en une semaine, ouais. Et d'autres où vraiment je ne regarde un seul tous les mois, quoi. Ça dépend. Ok. Et toi, Sophie? 50 films, 50 films par, par semaine. 50. Oh, c'est pas, non, c'est pas possible, ouais, c'est pas possible. Techniquement, pas possible physiquement. Genre, vas-y, par semaine. Cette semaine, c'est une fois par an aussi. Donc, ça ouais, par an. Ah. Par an, on tourne au moins 50 facile, quoi. Un par semaine, déjà, ça fait 52. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est sûr. Voilà. Sofiane? Oui, oui, à mort. Plus d'une centaine, je pense, par ouais. An. Par semaine. Mais par semaine plutôt. Alors, Ismaël, par semaine, combien? Par semaine. Là, maintenant, actuellement. Là, deux. Cinéma, ordi, télé, ordinateur. Est-ce que vous êtes t'es plus ordi pour pouvoir mettre ton casque ou tes écouteurs et plus être dans le film? Parce que ça, c'est l'avantage, on va dire, de... Même si maintenant, avec les télévisions, on peut le faire aussi en Bluetooth. Mm-hmm. Ouais, bah, c'est exactement pour ça, je pense. Ouais, c'est une des raisons. Parce que j'ai pas du tout de cinéma de quartier et je dois me déplacer jusqu'à Paris. Ouais. C'est très chiant aussi, des fois. Quand c'est un avantage aussi. Mais, oui, non. L'ordinateur, ok. Ok, et Guillaume? Ah, rien. Combien par semaine? Combien par semaine? Ouais, honnêtement, là maintenant. Je dois être à 4-5. Depuis que je suis sur ici, je pense que je dois être à 4-5. 4-5, par semaine, ouais. Cinéma, écran, les deux, télé. Blu-ray ouais. Ouais. DVD donc télé. Ouais, sur télé ouais. Ouais, en général, parce que j'ai une très grosse collection de Blu-ray que j'ai hérité. Et okay. Dont j'ai hérité pardon et donc du coup de temps en temps je me fais un Blu-ray. D'ailleurs il n'y a pas longtemps je me suis fait Knights of Cup ouais et le film de Terrence Malick de, ouais. Avec Christian Bale et c'était assez cool. C'est ça raconte pas grand chose mais ça, c'est, ça, c'est ça magnifique rien. Et c'est juste magnifique à voir quoi. C'est ok. On sent un aficionados de Terrence Malick, donc c'est intéressant. En fait, je suis un aficionados de l'esthétisme en général. Ouais. Dès que tu me mets des beaux plans, un beau montage, je suis dedans, quoi. C'est pour ça que j'adore Nicolas Winding Refn. Okay. Ouais. Et Sofiane, par semaine? Ouais, bah moi j'étais déjà à deux par semaine minimum, déjà au minimum, ciné. Ouais. J'essaie de couvrir un peu, mais il y a trop de trucs qui sortent. Et parfois, il y a des trucs, j'ai pas la bonne horaire. C'est souvent au feeling que je vais au ciné. En revanche, bah, depuis que je suis avec vous, c'est au moins 4-5. Et vraiment partout. Pour le coup, ciné, Netflix Et sans oublier les replays, hein, bien sûr, sur Arte, sur TCM Cinéma, la Freebox en fait, ou enfin les box ADSL. Mais tu restes sur télé. Moi, je peux pas regarder un film sur ordinateur. Ah non, je peux pas regarder un film sur un ordinateur. Non. Ou sur un télé. Je vois des gens regarder des films sur leur téléphone. C'est impossible. Ordinateur dans le train, à la limite, mais sinon, voilà, ça épouse pas assez le. Quand le cadre est plus grand, enfin, quand ce que je vois est plus grand que ce qu'il y a dans le film, enfin, tu comprends le paradigme. Bah non. Donc non pour les petits ordi et non pour les. Non. Ça dépend de la taille de l'écran, parce que c'était un ordi plutôt grand. Ouais, portable, 15 pouces, mais dans le train, tu vois. Genre, je préfère regarder chez moi. Moi, dans le train, j'ai un souci, je sais pas si vous avez le même. Ouais. Dans le train, c'est que t'es trop près en fait. Moi, j'ai un souci avec. T'es mal. Les gens et tout, ça bouge. Ouais. Non, faut être cosy, faut que ce soit statique, faut être bien posé. Faut aussi un breuvage, voilà, thé, café. En fait, faut se mettre dans des conditions. C'est exact, regarde, je vais te comparer ça avec jouer un jeu vidéo chez toi dans ton canapé et jouer un jeu vidéo dans une convention où il y a des gens, une queue derrière toi de 15 mètres. Toi, t'es debout, t'as mal aux jambes, tu transpires, t'as un sac, tu joues. En fait, tu t'as pas testé le jeu. Et puis en plus, il y a beaucoup aussi ces expériences-là aussi au cinéma où il y en a un qui va faire chier tout le monde. Voilà. Et tu vois pas le film de la même manière, on est d'accord. Deuxième question, c'est par rapport au choix des films. Est-ce que c'est l'intuition, l'affiche, le casting ou un peu par hasard, Ismaël? Je pense que l'intuition, elle se lie des fois aussi avec le casting qui est présent à l'affiche, justement. Ouais. Justement, tu connais cet acteur, tu connais un peu ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de choix, le réalisateur, c'est quoi ses types, ses tics, etc. Donc oui, moi, généralement, lorsque je me retrouve devant un cinéma et je vois une totalité d'affiches, je me dirige plutôt vers des acteurs et des duos, en fait, des duos d'acteurs et de réalisateurs qui m'intéressent, notamment parce que je sais ce qu'ils ont pu faire par le passé et c'est quoi leur dynamique. D'accord. Mais ça, c'est quand je vais vraiment voir un film que je connais pas du tout, par exemple. Mais les films, les gros films à la Marvel où je sais d'avance qu'ils vont arriver, je sais que je vais les voir. A priori, je vais les voir. Mais ça, c'est plus une consommation un peu plus comme une série télé, quoi. Mm-hmm. C'est pas la même chose. Ouais. D'accord. Ouais. Guillaume ? Non, c'est plutôt la même chose. Réalisateur en priorité. Ouais. Et après, des duos, acteurs réels qui peuvent marcher. Ouais. Quoi. Et les teasers, ça vous intéresse ou pas? Parce que moi, j'ai cette impression-là que les teasers sont beaucoup plus performants que les bandes-annonces, en fait, autant qu'on Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et je trouve que je regarde plus aucun trailer aujourd'hui parce que je trouve que c'est une horreur. Donc ça montre tout le film. Avec la mauvaise habitude qu'ils ont maintenant, c'est de faire des espèces de catch-eye au début de la bande-annonce. En fait, ils te montrent le passage de la bande-annonce que tu vas voir. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment des films maintenant, j'ai remarqué, tu peux les voir par la bande-annonce, quoi. Et c'est hyper frustrant. Et moi, ça m'est arrivé carrément, parce qu'en général, j'essaye vraiment de pas trop voir les trailers avant d'aller voir un film, de pas regarder le synopsis. J'aime bien être genre surpris, tu vois. Et mais quand t'arrives au cinéma qu'il y a les bandes annonces, tu fermes les yeux ou tu fais comment? Justement, il y a certains films où j'ai, tu vois, genre quand on allait voir Thunder Road, j'avais pas vu la bande annonce, j'avais pas vu le synopsis. J'aime bien découvrir comme ça, mais ça m'est arrivé parfois de tomber sur la bande annonce juste avant le film. Genre on me met la bande annonce du film avant le film. Ah bon, c'est possible? Au cinéma, je te jure, ça m'est arrivé. Ouais. Wow. Deux trois fois ça m'est arrivé. Bizarre. Qu'on me foute la bande annonce du film avant le film. Mais est-ce que c'était pas pour faire une autre pub par rapport à un partenaire? Non, là il y avait pas de partenaire. Non. Bah ça, Marvel, je crois que c'est même une erreur en fait, autant qu'on se dise du cinéma. Quoi. Ça n'a aucun sens. Et on peut dire dans quel cinéma t'étais comme ça, on peut. UGC Léal. Ah oui, c'est d'accord. Je suis toujours dans UGC Léal. De la Terre. Bon. Le pire, mais qui peut s'avérer être le meilleur. Le dimanche soir, t'es bien. Là, t'es intestable. Je suis fréquenté au monde maintenant. Ah bah c'est normal, c'est un. Ah ouais. C'est tombé, c'est le cinéma le plus fréquenté. Non, d'Europe. Au monde. Ouais. Bah je disais la semaine dernière, c'est un aéroport le truc. Mais la gare de Charles de Gaulle est l'endroit le plus fréquenté au monde. Mais c'est en plus ce qui est marrant avec ce cinéma-là. C'est que quand t'as un horaire, tu sais qu'il faut encore plus d'avance pour pouvoir après te déplacer dans les couloirs et trouver la salle. Non mais c'est vrai, c'est impressionnant. Et Sofiane alors, pourquoi un film? Pour le cœur, principalement, la tête. Principalement déjà le genre, tout simplement. Sa tête aussi. Voilà, si c'est western, j'y vais. Ouais. Si c'est romance. Si c'est comédie romantique, j'y vais. Ouais. Si c'est huis clos, j'y vais. Si c'est fantastique, j'y vais. Ouais. Si c'est SF, j'y vais. Si c'est comédie musicale, j'y vais pas. Mais à quelques exceptions près, en fait, quand je sens aussi, évidemment, je vois Bradley Cooper dans une comédie musicale, j'y vais. Hugh Jackman dans une comédie musicale, j'y vais. Zac Efron dans un thriller huis clos, j'y vais. Tu vois un peu les trucs. Quand je vois vraiment. Faut le mélange de tous tes goûts, quoi. Faut qu'il y ait un mélange de goûts et même parfois du contre-pied avec des rôles de composition. Par exemple, Zac Efron dans Paperboy. Voilà. Ou quand je vois des acteurs immanquables au cinéma, Matthew McConaughey dans un film, j'y vais. Toujours des performances. Brad Pitt, j'y vais. C'est, je suis obligé en fait d'aller à ces gars-là. Joaquin. Joaquin Phoenix, j'y vais. Mais parfois pour le pire, hein, notamment c'était Violent Day, je crois, qui était pas top, top, top. Mais j'y suis allé. Beautiful Day. A Beautiful Day. Ah, d'accord, ok, j'ai confondu, merci. Ouais, Beautiful Day, ouais, qui était saucisson choco, quoi. Comme j'aime la prestation à Cannes pour lui. Bah, tu te doutes après, pourquoi, bon, après, parce que c'est Cannes, voilà. Ouais. C'est pas Châtelet-Léal. Mais bon, voilà, oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est comme les deux autres. Hein. Ok. Quand je parle des deux autres, je parle d'Ismaël. Oui, j'avais compris. Non, mais après, je reviens quand même sur les teasers parce que je trouve ça, c'est une très belle invention et quand c'est très bien fait. C'est pareil pour un jeu vidéo, c'est pareil pour un film ou pour tout et n'importe quoi. Le bon teaser de 15-20 secondes qui te donne vraiment envie de voir un film, ça fait bien. Mais je trouve que les meilleurs teasers ou trailers, c'est ceux qui sont réalisés par le réalisateur. Tu regardes la bande-annonce de Millennium par Fincher, elle est juste géniale. Le teaser qu'on a eu là de... L'ombre d'Emily. de tout... C'est quoi? Too Old, To Die Young de Nicolas Winding Refn. Il a fait ça, la première bande-annonce. C'est ça, une prochaine série avec Amazon. Et genre, ça donne envie. Et en fait, tu comprends pas ce que tu vois, mais tu sais juste que ça va être... Ça c'est va du être quai derrière. Voilà. Et il y a pas longtemps, je revoyais le trailer qu'il avait fait pour que Fincher avait fait pour Millennium, mais c'est une réussite, quoi. Okay. Avec la reprise de comment ça s'appelle, j'ai oublié le... La reprise musicale, une reprise musicale. Qui est aussi dans l'intro du film. Non, je vais pas pouvoir t'aider. Je peux pas t'aider non plus. Adèle peut-être. Je vais pas le chanter parce que c'est assez c'est mieux d'éviter. On regardera après. Il n'y a pas de souci. Par rapport aux petites news, j'ai cherché un petit peu. Donc déjà, la première news qui est un peu triste, mais c'est la mort de Charles Aznavour, qui était, au-delà d'être un grand chanteur, était un grand acteur. Et je conseille à tous de voir Tirer sur le pianiste de François Truffaut, où il joue dedans, qui est un bon film. Et puis voilà, donc paix et hommage à ce grand homme. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, ce grand homme de musique, Rip. De cinéma, et puis même de sa vie. Et sa vie est un film, hein, autant qu'on se dise. Par rapport aux autres news, j'ai vu qu'il y avait la date de sortie qui était repoussée pour Hellboy, donc qui est le reboot un peu, et aussi en même temps, donc qui est un peu le reboot. Alors, sachant que là, je crois que ce week-end va y avoir la New York Comic Con, donc c'est pas probable qu'on ait le teaser ou la bande-annonce qui tombe. Mais est-ce que ça, on en a pas marre des reboots? Non, mais c'est... Clairement. Moi, je suis d'accord. Et puis, est-ce que ça va être un début, quoi? Enfin, tu sais, genre, comment merde. Non. Avec toute une intro, tu veux dire? Ouais. En fait, c'est un reboot, donc c'est changement d'acteur, d'univers, etc. Et de réel? C'est plus Guillermo. Crois-moi que c'est plus lui. Mais c'est aussi Mike Mignola, le créateur original du comics, qui a chapeauté l'histoire et le rôle autour du film-là, qui sera d'ailleurs en PG 18, dès qu'on c'est moins de 18 ans. Mais c'est pas une origin story, quoi. Rated T14, non? Non, c'est. Alors je crois que chez eux, c'est un an de moins à chaque fois. Non, 17. Ouais. C'est 15-17. Alors nous, c'est 16-18. Celui-là, il sera en gros, pour faire simple, ce sera la Logan ou Deadpool. Ouais, donc. Plus de violence, etc. Ouais. Et oui, non, ça va être une histoire en plein milieu, en fait. Ah, ok, pas d'origin story. Bon, c'est déjà ça. Avec un choix d'acteur plutôt pitoyable. Ah ouais, faut bien le dire. David Harbour, Mila Jovovich, voilà. Mais elle existe encore. Oui, oui. Moi et pourtant, je pense pas que ça va être la pire. Mais toi, t'aimes bien Mila Jovovich. Oui, parce que t'aimes bien Luke Besson. Oui. Tu m'as percé à jour. Non, et puis moi, alors, je sais pas, mais juste parallèle, mais dans Resident Evil 1, bien, je dis le 1, elle est bien quand même. Dans ce j'ai film. Jamais vu aucun film Resident Evil et je trouve que c'est l'actrice qui surjoue le plus au monde. Oh, Jesus. Oh, tu l'as vu ultraviolet avec elle? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai vu les images parce que tu vois. Voilà, mets-toi mal. Hot news, alors ça, c'est un projet, je crois que ça fait au moins deux ans. Hot news, hot ou. Non, autre news, autre news, autant pour moi, autre news. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on en parle. C'est la suite de Bad Boys avec Will Smith. Ah ouais, pourquoi pas. Et comment s'appelle-t-il déjà? Martin Lawrence. Pourquoi pas? Martin Lawrence. Martin Lawrence, exactement. Tournage début 2019. Est-ce que c'est intéressant de faire un troisième volet? C'est loin. Ou est-ce qu'on va être dans le même délire de Men in Black 3 qui a pas super marché? Faut voir, c'est le même réel, c'est Michael Bay? Pas du tout. Si c'est pas Michael Bay, ça sert à rien. Parce qu'il y avait quelques shots stylés dans le 1 et 2. Bah, toujours en fait, Michael Bay, mine de rien, il sait faire des shots un peu intéressants. Oui. Bon, le dernier Transformers, c'était affreux. C'est même plus lui. Qui lui, du coup, est réalisé par un réalisateur qui faisait du film d'animation, qui avait fait l'armure de... Non, Kubo. Kubo, là, ouais, Kubo. Ouais. C'est qui a fait ça, déjà. L'esthétisme n'est pas du tout le même par rapport à ça. Ouais, c'est même ce que ça raconte. Même là, c'est retourné à un esthétisme beaucoup plus similaire au dessin animé d'origine. Et donc, t'as pas de réal pour Bad Boy 3 ? Non, il n'y a pas l'info. Mais dès qu'on l'a, on la donnera peut-être la semaine prochaine. Pourquoi pas ? Il y avait des scènes mythiques dans le 1 et le 2. Oui, mais c'est un film culte même. Ouais, il y avait des scènes vraiment très drôles aussi. C'était un film aussi comique. Ouais. Bon, après, dans l'ensemble, c'est on pète un peu en mode c'est les vieux qui reviennent, toi, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un peu les vieux qui reviennent aussi ? Ah bah. Ça va être ça. C'est Will Smith qui va encore essayer de paraître d'être cool dans ses films, quoi. Mais il l'est. Il y a aucun film où le mec accepte d'être un loser, quoi. Ah bah non, ça c'est mort. Même Hancock, il est hyper stylé. Suicide Squad, c'est un méchant gentil. Donc Suicide Squad, c'est un méchant gentil. Ouais, c'était ouais un peu voilà, bon. C'est ça. C'est... Il n'y a jamais trop d'enjeux autour de ses ouais, rôles. Ouais, c'est ça, en fait. Exactement, il n'y a pas d'enjeux. Non. C'est un peu aussi, alors, pareil que Morgan Freeman aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de Insaisissable, où dans le 1, il passe pour un méchant, et dans le 2, oh tiens, il redevient gentil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais dans Wanted, j'ai trouvé ça un peu dans Wanted, fait. Il est. Ah, vraiment le. Bah, c'est le méchant. C'est le méchant. Même. Okay. Non, dans Morgan il est passé, Freeman, c'est Samuel Jackson. Jackson. Ouais. Morgan Freeman dans Wanted, je spoil. Hein, c'est le méchant. Attends. Oui. On apprend que c'est le méchant en fait. Ah, okay. Au milieu du film, il y a un twist et il le joue bien et ça. Justement, ça fait une dissonance. Mais c'est rare. Son... C'est voilà, rare, c'est quand ça. Parce qu'on se dit, quoi, c'est lui. Enfin, genre, c'est Morgan Freeman quand même. C'est Dieu. C'est Dieu, ouais. C'est Dieu, ouais. Indiana Jones 5. T'as vraiment dit Indiana? Indiana. Indiana. Non, Indiana Jones 5. Ouais. Non. Rappelez-vous du 4. Rappelez-vous du 4. Je crois qu'il a été remplacé il y a quelques mois. Ouais. Non, mais ça va vraiment le faire. Il y avait aussi un débat avec le reboot. Tu sais quand. Il y avait aussi le reboot avec sa jeunesse. Ah oui, ça, c'était pas avec une mauvaise Shia idée. LaBeouf. Non, c'était avec non, c'est... le ah, mec c'est une de. Série. Ouais. C'était des rumeurs. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon. Bah, est-ce que vraiment vous avez envie de voir ça? Non. Non. Harrison Ford. Non. Bah, après, je pense qu'ils vont encore tourner. Ils vont tourner comme Han Solo dans Réveil de la Force ou voilà un mec sur le retour. Il fait de la peine, Harrison Ford. Franchement, il fait de la peine. Non, mais à mon avis, s'il acceptait, c'est vraiment pour. C'est la même chose. Il veut dire au revoir au personnage, qu'on arrête de le saouler avec quoi. Ouais. Bien, ouais. Qui est Harrison Ford, qui est un aigri fini. Hein. Mais il paraît que sur les tournages, c'est pas facile. Ouais. Moi, je vous conseille un Indiana Jones qui ne s'appelle pas Indiana Jones, qui s'appelle Sahara avec Matthew McConaughey. Vous l'avez vu ou pas? Avec Salma Hayek, non? Non, mais une autre zouze archi fraîche et la fin se passe en Algérie, et ça respect. Voilà. Ah non, voilà. Et pas l'Algérie qu'on connaît, nous, bien sûr. Ça se passe à Taman Rasset, c'est dans le full sud algérien, un endroit où tu ne vas pas. Parce que sinon, c'était dans les chroniques de Riddick, en fait. Et que c'est full désert et le soleil ne se couche jamais. Ok, bah non, mais c'est un bon film en vrai ou pas? Sarah est très, très, bon film, très bon film d'aventure. Okay. Sans pression, avec un Matthew dans la transition comédie romantique, film Nolan et tout. Avant Killer Joke. Et je te jure, je crois qu'il y a Salma Hayek dedans. Je suis quasiment sûr. Il y a une meuf, une brune fraîche, maxi fraîche. Salma Hayek. Je sais plus qui c'est, mais c'est peut-être Salma Hayek. Alors. Fraîche, voilà. Je vais checker, mon gars. Ok, ça marche. West Side Story, le remake de Spielberg, encore Spielberg en fait, avec la star de Baby Driver. Comment s'appelle-t-il déjà cet acteur? Ansel Elgort, que j'aime beaucoup, qu'on a vu aussi dans Divergente et dans Nos Étoiles Contraires aussi. C'est un acteur que j'aime bien parce que dans Baby Driver il était génial dans Baby Driver le mec. C'est Penelope Cruz hein. C'est Salma Hayek bis en fait. Grave, c'est soit l'une soit l'autre. Il y a William H. Macy, Lambert Wilson, Lenny James. Et bah regarde la filmo de Matthew McConaughey, quel film c'est avec Salma Hayek, j'en suis. D'accord. Est-ce qu'il va encore nous sortir une bouse sur les années 80 du coup Spielberg ou ça va être actuel? Alors non mais franchement il y a pas trop d'infos en fait, c'est plutôt bien secret. Donc on a juste quelques ah non mais Spielberg oui au moins parce qu'il est producteur et il fait mille trucs donc les séries aussi. Il a eu une phase, je sais pas si tu te rappelles, 2010 où ils annonçaient des séries, ils avaient annoncé une série Terra Nova. On parle pas de Terra Nova, Sofiane. Ils avaient annoncé une série Halo aussi, je me rappelle. Non, mais c'est toujours en cours, hein, Halo. Mais c'est plus avec Spielberg, je crois. Non. Non, mais ça va se faire là, dans pas trop longtemps. Bon, tant mieux que c'est plus avec Spielberg. Sinon, on va passer au film qu'on a vu. Donc, si je fais un petit résumé, nous avons Un peuple et son roi que j'ai vu, I Feel Good que tu as vu aussi, yes. Guillaume. Et Sofiane, qu'as-tu vu? J'ai vu A Star Is Born. Ouais, seulement celui-là. Seulement lui. Je pense que t'as et beaucoup la de semaine à... dernière, j'ai vu. Ah oui. Alors qu'est-ce que j'ai vu la semaine dernière? Parce que je regarde toujours les films du jour. En fait, Prophétie de l'horloge. Non, j'ai vu, mince, j'ai oublié. On regardera peut-être à la pause et tu me diras. D'accord. Donc surtout, tu nous parlais de ce film qui vient de sortir, Born, aujourd'hui, avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Ouais. Qui a envie de commencer? Est-ce qu'on se ferait pas tous les deux, Guillaume, I Feel Good avec Jean Dujardin? Si tu veux, ouais. Est-ce que tu veux le résumer ou je le résume un peu rapidement? Je résume très mal les films, donc je te laisse le faire. Moi, je fais le pitch. On a Jean Dujardin qui joue un frère très particulier qui revient voir sa sœur. Et elle travaille dans un centre Emmaüs. C'est un peu la chef, on va dire, de ce centre-là. Et les deux personnalités sont totalement différentes. Une est très dans le partage et dans un, voilà, dans un seuil de pauvreté. Et puis dans le besoin de renouer avec sa famille. Aussi. Donc lui aussi, quoi. Et l'autre, joué par Jean Dujardin, je me rappelle plus des prénoms. Ça, je retiens jamais les prénoms dans les films, autant qu'on se dise. Mais c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. De retenir l'acteur. C'est vrai. Et Jean Dujardin qui joue un ambitieux, mais un peu con, on peut dire ça aussi, qui veut devenir riche. Voilà, non, il veut trouver ça, l'idée. C'est des gens qui veulent devenir riches, quoi. C'est ça. Et c'est un film, on peut dire, donc qui va parler bien sûr de la richesse, la pauvreté, qui va parler de qu'est-ce que faire dans sa vie, qu'est-ce qu'être heureux aussi. Je pense que c'est ça vraiment le centre du film. Ouais, hein, ouais, c'est bonheur. Ça. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'être beau pour être heureux aussi, c'est un des grands sujets du film. Après, je pense qu'on peut rien dire de plus parce que sinon on spoilerait un petit peu l'intrigue. Moi, je suis d'accord. Et j'ai trouvé ce film, alors je sais que tu n'as pas mon avis, mais ça me dérange pas du tout, mais j'ai été déjà imperturbé par le film parce que je trouve que les sujets qui sont abordés par Kerven et de Lépine, c'est bien ça, qui font un style très particulier. C'est un mélange de poésie, de films d'auteur, on peut dire ça aussi, et de séquences aussi un peu malaisantes. Après, c'est une structure de comédie sociale assez basique dans l'idée. Alors, le truc, c'est que le mot comédie, je trouve qu'il va pas au film, parce que pour moi, c'était pas une comédie. Déjà, j'ai pas ri pendant le film, et c'est plus mélancolique. Moi, quand même. J'ai pas ri non plus, mais il y a beaucoup de gens qui ont ri. Moi, dans la salle, il y avait des gens qui étaient morts de rire à chaque phrase. Hein. C'est peut-être pas de l'humour qui nous parle, mais ça reste de l'humour. Après, moi, j'ai trouvé que le film, déjà, était très touchant, avait une réflexion très importante sur tous ces sujets un peu de société. Et Jean Dujardin fait une performance sympathique et j'ai trouvé très bon. Et j'ai trouvé que l'ensemble, en fait, est un bon film à voir et à conseiller, parce que tu peux pas ne pas être touché et ne pas au moins avoir une réflexion sur le sujet. Je trouve que c'est un film qui est, dans l'ensemble, réussi, en fait. Mais je pourrais pas le conseiller parce que, en fait, j'ai pas vraiment apprécié. Parce que je trouvais que, justement, tout ce qui était message, tout ce qui était les différents sous-textes étaient super mal exploités, quoi. Enfin, on parlait par exemple du fait faut-il être beau pour être heureux. Moi, je trouvais que c'était la réponse, et c'est le cas de toutes les réponses du film. C'est très bien pensant, quoi. C'est genre, mais non, bien sûr que non, on n'a pas besoin. Ou genre, mais non, bien sûr que non, l'argent, ça fait pas le bonheur. Et c'est que des trucs comme ça, hyper bien pensant, hyper qu'on te balance à la gueule pendant tout le film. Et t'es là, est-ce que j'aurais aimé peut-être. Tu vois, parce que, en fait, dans le film, Jean Dujardin, techniquement, c'est le gros con. Et en fait, les autres, ils ont tous raison. Ils sont tous tellement attachants. Mais en même temps, c'est des gens simples. Tu vois, c'est ce côté un peu... ça veut tirer l'alarme parce que ça te dit « Oui, mais regardez, ces gens simples, eux, ils n'ont pas grand-chose, mais ils le donnent tous les jours à Emmaüs et ils font des grandes choses et ils n'ont pas besoin d'être un patron du CAC 40 pour être heureux et tout ça. Et ils donnent plus que ces gens-là alors qu'ils n'ont rien. » Enfin, tu vois, je trouve que c'est un message qui est assez basique et ça se met pas à réfléchir sur d'autres sujets que de taper sur le capitalisme, que de taper entre guillemets sur les gens beaux. Et pendant tout le film, j'étais ok et après, tu vois. Mais moi, j'ai plus ressenti ça vers la fin. C'est vrai que la fin et la conclusion. La rédemption, du film, elle est nulle à chier, quoi. Le personnage, en fait, il a aucune courbe. S'il se passe pas le twist final, en fait, le personnage, il va pas vraiment changer à proprement parler. Et tu as apprécié le twist final ou pas? T'as été surpris aussi, comme un peu toute la salle? Bah, j'ai sursauté, c'est clair. Mais surpris, non, j'ai trouvé ça nul, en fait. Vraiment, je trouvais ça pas top du tout, quoi. Mm-hmm. Enfin... Tu trouves c'est une sous-exploitation de ce qu'il pouvait faire en vrai, quoi. Ouais, parce que, en fait, trop cliché. Ouais, voilà. Et puis, si tu regardes le film, en fait, la réale, elle est plutôt cool. La musique est réussie, les acteurs sont bons. Donc, tu vois, il y a tout pour faire un bon film. mais on est dans, tout le temps dans les clichés de la comédie sociale et de toute façon honnêtement dès que j'ai vu la meuf des chiens je me suis dit ah oh, putain c'est bon je sais déjà quel film je suis allé voir et j'avais rien vu sur le film je savais même pas de quoi ça parlait mais Yolande Moreau hein, qui est l'actrice mais qui joue très bien fait très bien son boulot mais c'est vrai qu'il est souvent utilisé pour des rôles comme celui-ci. Ouais, voilà, c'est vrai c'est qu'elle ça. Joue des gens, mondaines. Des gens moches, mais qui ont un bon fond, qui sont beaux à l'intérieur. Mais moi, j'ai pas ressenti ça durant tout le film, je t'avoue. Plus vers la fin, où vraiment, quand il y a une rédemption, comme tu dis, et qu'il y a ce twist, où on se dit, oui, c'est vrai que c'est un peu trop facile, en fait. Moi, c'est surtout ça que j'ai pensé vers la fin, facile. C'est marrant, c'est original, parce qu'il y a aussi autre chose, il n'y a pas que... Il y a aussi dans le visuel, où c'est plutôt marrant, mais... Moi, ce qui m'a touché, c'est plus une réflexion personnelle. Mais après, c'est sûrement très subjectif. Mais par rapport à tout ce qu'on voit dans le film, et qui nous. C'est obligé de au moins se poser cette question. Mais moi, c'est quoi mon bonheur et toute cette obsession qu'on a sur la beauté, qui est sur la mocheté aussi, sur qu'est-ce qu'être pauvre, qu'est-ce qu'être riche. Et puis vraiment, est-ce que vraiment c'est être riche qui m'intéresse, etc. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien foutu et original en fait. L'aspect que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était différent de ce que je voyais d'habitude. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé par exemple l'aspect sur la famille. Et le deuil qui était plus intéressant que cet aspect social. Parce qu'au final, l'aspect social, ouais, c'est la surface, quoi. Est-ce que, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a une caractéristique spécifique à ce film, peut-être une bande-son, un lieu où ça se passe, un par rapport au réalisateur ou juste le film ? Le film, il y a des, ça se passe où ? Il y a des espèces de... comment ça dire, se passe plutôt dans le nord. Déjà, ça se passe dans le nord, ça c'est quasiment sûr. Ouais, je pense le long d'une autoroute. Ouais. Il y a des espèces d'interludes musicales. Musicaux, pardon. Ouais. Entre chaque jour, en fait. C'est sur plusieurs jours, et en fait, entre chaque jour, tu vois, j'imagine que ça doit être. C'est un road trip Non, pas du tout. Non, ça se passe souvent à peu près au même moment. Non, vraiment, on suit le personnage de Jean Dujardin qui évolue et qui essaye d'avoir une idée, une bonne idée. Pour devenir riche, tout simplement. Après, il trouve cette idée, ça on peut pas le dire parce que c'est un peu le centre du film. Et après, il va jusqu'au bout. Et nous, on y va avec, donc on le suit. C'est une temporalité longue, le film, quoi. Pas tant que ça, je pense pas. C'est quelques mois, je pense. Ouais, d'accord. Ouais, après, t'as un petit flash forward. D'accord. Mais sinon, ça. Okay. Parce que j'arrive pas trop à visualiser comment se déroule le film, en fait. Peut-être parce que je l'ai pas vu aussi. Bon, c'est possible. Mais après, après, j'ai été surpris par rapport à la bande-annonce et ce que j'ai vu, parce que j'avais vu la bande-annonce, parce qu'on est obligé de se taper les quarts d'heure de pub. Oui. Et j'ai trouvé ça, honnêtement, plutôt différent de ce qui est proposé. Et j'étais très content. Après, est-ce que toi, tu apprécies la poésie des deux réalisateurs ou pas ? Les petits côtés un peu loufoques, cartoonesques, qui sont un peu absolument pas réalistes, en fait, mais qui sont un peu dans la folie du par exemple. Bah, les cendres, par exemple. Les cendres, ça m'a fait beaucoup rire. Et je trouvais ça assez drôle, ouais. Mais après, c'est aussi... Enfin, c'est un... Depuis The Big Lebowski, c'est un truc qui revient souvent, le truc des cendres. Mais je trouvais que c'était sympa, mais vraiment... Ça se prend pour ce que c'est pas, en fait. C'est ça qui me gêne. Si ça avait pas ce genre de gros sabots et ce genre d'ambition de faire de la comédie sociale... J'aurais pu apprécier, mais là c'est trop gros en fait, tu vois. Mais est-ce que t'aurais aimé si c'était plus sérieux? Non, parce qu'au final c'est vachement les aspects comiques qui m'ont plu, quoi. D'accord. Parce que le reste, c'est tout... la dramaturgie du truc était pas. En fait, c'est le problème, c'est que jusqu'au bout tu penses que le personnage c'est un connard, et c'est là le problème en fait. Les personnages connards. Il faut quand même que tu aies un minimum une affection pour eux. Tu vois, c'est les Don Draper, c'est des trucs comme ça. C'est les mecs, c'est des gros connards. Mais en même temps, il y a un truc qui fait que tu es toujours derrière lui. Tu vois. C'est la comédie qui est censée te faire attacher aussi. Dans le cas de la comédie, c'est clair que c'est la comédie qui... Il peut être un connard jusqu'au bout, mais si c'est marrant, tu peux t'attacher à lui même si c'est un gros connard. Après, ce qui est intéressant, moi, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est quand on comprend aussi que les personnes, parce que comme tu dis, donc on comprend que lui c'est un con entre guillemets, il joue le rôle du con prétentieux, hautain. Et puis de l'autre côté, on a des gens, et toi tu les as vus comme des gens qui sont voilà, un peu sains, ils sont bien dans leur botte, mais en fait pas vraiment, parce que le fait qu'ils les aient, bah, voilà, qu'ils suivent ce mec là jusqu'au bout du monde, si on peut dire ça entre guillemets, mais bah, là, c'est là, c'est ça là, c'était intéressant, c'est... parce qu'on se dit là en fait ils sont pas non plus heureux, bah, donc il y a ouais, le bonheur mais... ni de, d'un côté le, ni de l'autre. Le truc c'est que là j'ai un argument après, pour oui. te répondre non, mais après, l'argument je vois ça lequel. Spoilerait le film, donc je peux pas te le dire, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais et justement, quand tu arrives à ce moment là du film, est-ce que t'as ressenti ça ou pas? Bah moi j'ai trouvé justement que ce moment-là, le moment de la révélation du truc, j'ai trouvé ça tellement pathétique, parce que justement c'est là où t'as le message que se dit de genre mais non, mais on n'a pas besoin d'être beau pour être heureux, moi je suis heureux comme je suis, et c'est que des trucs comme ça, et genre ce moment-là j'étais oh là là, mais quel film à la con. Ok, mais tu veux me dire que c'est vraiment le dernier quart d'heure qui t'a en fait... Non, parce que pendant tout le film, j'étais... c'est chiant, hein, genre... tu sais qu'à la fin, ils vont pas le faire, quoi. Tu vois, okay. Et j'ai juste une dernière question. Le fait quand même qu'on te montre, entre guillemets, parce que c'est un peu leur but, que voilà, l'argent, ça rend pas heureux, etc. Mmh. Et que ça peut rendre aussi un peu fou, en fait, parce que c'est aussi une certaine folie dans le film, je trouve. Mais une folie Bah, c'est la recherche de l'argent qui rend fou, plus que l'argent lui-même. Mais est-ce que toi, ça t'a questionné sur ta vie personnelle ou pas? Est-ce que t'as eu ce moment-là aussi? Non. Pas du tout. En fait, ça t'a pas vraiment touché. Non. Ok. D'accord, ok. Et toi, tu le conseillerais ou pas du tout? Alors, éviter. J'irais pas à éviter. Parce que honnêtement, c'est mon barème film français. Mais maintenant, dans les films français, je mets des points en plus quand la structure est réussie. Et là, je trouve que la structure est réussie. Ouais. Il n'y a pas d'aberration en termes de montage, en termes de réalisation ou de mise en scène. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les films français. Donc là-dessus, il gagne des points et ce n'est pas un film qui est désagréable à regarder. Et tu as aimé Jean Dujardin dedans? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais moi, je trouve que c'est un bon acteur. Je trouve vraiment que c'est un bon acteur. Ouais. Et j'ai hâte de voir 1717-3. Le retour du héros, c'était... Ah, mais j'ai adoré. Mais clairement... Il est incroyable. Le retour du héros, c'est vrai que c'est vraiment un putain de film. Incroyable. Ça se voit qu'il prend son pied. Hein. J'ai adoré. Mais clairement, exactement. Jean, il est pas... Je le pensais perdu. Tu sais que je le pensais perdu. Ouais, mais après, parce que t'as vu Contre-Enquête, le film. Non, tu te rappelles de ce film ou pas? Contre-Enquête qui est boucherie. Mais non. Qui est boucherie, Contre-Enquête, je suis désolé. Qui est mal réalisé, mais bon après. Qui est mal réalisé, mais qui est boucherie en termes de trailer façon. Ça, non, moi, pour moi, ça tombe à plat, mais après, bon. Ah non, moi j'étais sali. À t'étais la fin. Vraiment. T'as, à t'as la vraiment... fin, j'étais sali. Ah, mais moi, c'est mes films. Mais je t'ai dit, ces films-là, par contre, pas cinéma, jamais. Non. Non, non. C'est film matin, matinée. C'est vrai qu'il faut la faire cette spéciale. Attends, ce film matinée, Contre-Enquête matinée. Ouais, matinée. Tu regardes ça le matinée après le petit déj. Après le petit déj, après tu fais ta journée, tu l'as oublié le lendemain, c'est bon. Ouais, je te jure. Parce que tu pourrais pas voir ça le soir. Non, je peux pas voir ça le soir. Je peux pas dormir après ça. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Enfin, non, mais ça fait pas peur ou quoi? Je veux dire, je me dis que ma journée c'est de la merde si j'ai vu ça, juste ça, tu vois. Oui, c'est mal. D'accord. Ah pardon. Ouais, voilà, il mais le retour du héros, on peut conseiller, c'est génial. Ouais, vraiment, dire, c'est un chef-d'œuvre, on peut dire, ouais, faut regarder. De A à Z. C'est le vrai humour, il a avec des idées tout le temps. Non-stop. On passe à toi, Sofiane, avec A Star Is Born, avec Bradley Cooper, de Bradley Cooper, le premier film, avec Lady Gaga. Ouais, j'ai le sourire en y repensant en parlant. Tu l'as vu tout à l'heure, c'est ça? J'ai vu là, j'en sortais. Ouais. J'étais à Bercy pour changer. Et ouais, bah A Star Is Born, c'est un remake, troisième apparemment, du film A Star Is Born aussi, qui est sorti dans les années peut-être 70, sûr. Après, tu m'as dit plus tôt aussi, d'accord. Ouais, il y a 50, c'est 80, un film de et avec Bradley Cooper qui donne pour la première fois la réplique dans un rôle-titre à Lady Gaga. Et je vais te dire, mon gars, qu'il y a quelques semaines ou peut-être une semaine, je disais que Crazy Heart était mon film préféré, film sur la country. Tu penses qu'il a détrôné ce film-là? Il ne l'a pas détrôné, il est le Xenoblade de Xenogears. Il est fan le, de Kingdom Hearts, pour il, ceux qui il est le Yakuza de Shenmue. Il est, ah non, c'est-à-dire ah non, le, j'ai une autre version. Il est le successeur spirituel en fait, du film, parfait. Parfaitement successeur ultime, dans la mesure où déjà le scénario, même si ça peut en faire certains, j'ai entendu des critiques sur le scénario, mais le scénario il est adapté, on est d'accord vu qu'il a déjà été fait avant, adapté par Eric Ross qui est le mec qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Forrest Gump. Donc à partir de là, on est bien balisé proprement. Le film, bon, ça raconte l'histoire d'une star de la country. Tu sais, parce qu'aux États-Unis, beaucoup de stars locales dans les États, et que nous, on ne connaît pas, ça vient jamais jusqu'ici. Et que là-bas, c'est des grandes stars, tu vois. Mais alors, c'est comme, je te coupe tout de suite, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est comme le style country mais qui est pas vraiment country là-bas. T'as vu, ouais, j'arrive folk, pas à dire le truc. Folk. On folk, appelle ça ouais, le voilà, folk. Voilà, le country ça. Un peu ouais. moins beau, non, mais c'est pas, le folk. Taylor Swift. Swift, ouais. Oui, Taylor Swift, c'est de la folk. Hein. De la country, c'est country ouais. Folk, hein, ouais. Taylor Swift. Ou ouais. Llewyn Davis, okay, des mecs comme ça. Okay, okay. Alors, j'ai l'information, il s'agit du troisième remake du film Une étoile est née de William A. Wellman, sorti en 1937. Voilà, t'as vu, je t'avais dit. Et donc, il y en avait un nouveau après dans les années 70 et celui-ci. Ça raconte l'histoire d'une star de la country qui est jouée par Bradley Cooper, qui fait des tournées, je t'ai dit, à state scale, comme on dit aux States, aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est à l'échelle de l'État. Voilà, il va dans l'Arizona, dans Tennessee, tout ça, les États du Sud, parce que la country, c'est là que ça marche. Et il s'avère qu'il rencontre une jeune femme qui chante dans un cabaret, dans un bar, voilà, un peu à l'arrache. On sait pas vraiment où ça se passe au début. Je crois que c'est même, ça se passe entre Memphis et merde, je crois que c'est Jacksonville. Ouais, Jacksonville, c'est en Floride. Ouais, donc voilà, on est dans les États du Sud. Et il rencontre une jeune fille qui est jouée par Lady Gaga et il tombe un peu amoureux d'elle. Et de fil en aiguille, il va l'amener sur scène peu à peu, chanter avec lui. Lui qui est sur le déclin et elle qui est en fait une star montante. Et donc elle va vampiriser un peu sa notoriété pour lui faire un peu. De l'ombre. Voilà, de l'ombre, comme on dit, merci. Et voilà, et il s'avère que ça va être une descente aux enfers pour Bradley Cooper, mais une montée en. Voilà, Shining Star pour Machine. Rising Star, pardon, okay. pour Lady Gaga. C'est un film sur la jalousie, en fait, un petit peu. C'est complètement beaucoup. Un film sur la jalousie, sur comment être une star, comment gérer la fame, tu vois, la célébrité, comment gérer une vie de couple quand on est célèbre, comment. Gérer aussi, c'est un film aussi sur la bah déjà sur l'amour parce que c'est une histoire d'amour hein, on est d'accord, et c'est un film sur la gratitude en fait ou l'ingratitude. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique et j'ai été bouleversé par une chanson qui s'appelle Shallow qu'on passera tout à l'heure, qui est le featuring en fait entre Bradley Cooper et Lady Gaga. Bradley Cooper a d'ailleurs pris des cours de chant pendant un an parce que quand il s'est mis à côté de Lady Gaga pour chanter et tout, il a fait ah ouais quand même le level est haut. Et c'est vrai que Lady Gaga quand elle pousse la chansonnette, tu ne peux pas ne pas avoir de frissons. Moi j'ai quasiment pleuré à la fin du film, et sachant que je pleure pas pour des choses qui se passent vraiment dans la vraie vie. Et ça j'étais voilà, c'est bon, c'est tire-larme hein, c'est tire-larme, mais j'étais bouleversé. Et voilà, et c'est ça finit de manière tragique, mais c'est très beau. Lady Gaga, bon, on va dire que le début, alors en termes de pur cinéma, cinématographiquement parlant, le début est un peu bancal, notamment à cause de dialogues un petit peu trop. Too much. Ouais, too much. Voilà, c'est pas très de bon goût parfois. Ça fait des analogies un peu cheloues, voilà, des trucs toujours un peu de. C'est très classique en fait. C'est-à-dire, ils se rendent compte et voilà, c'est un coup de foudre en mode on se regarde dans le blanc des yeux et il se passe un truc. On est assis sur une aire d'autoroute ou je sais pas quoi, et voilà, alors qu'en fait on est des stars, enfin bref, tu m'as pigé. Et au-delà de ça, le film est long, il dure un peu plus de 2 heures, hein, je crois 2h10, un truc comme ça, et je l'ai senti, je me suis dit quand même c'est long, et ça raconte des choses, choses. Est-ce que t'as senti une réalisation particulière ou pas? J'ai senti une photographie un petit peu de DVD de tournage, de tournée en fait musicale. Okay. C'est-à-dire un truc que tu peux voir par exemple dès que tu regardes un DVD de, je sais pas moi, YouTube. Exactement, de YouTube, t'as mis le doigt dessus, dans le camion, tac et tout, avec la musique, les mecs qui s'entraînent, voilà, des mecs qui se font des délires entre eux. C'est juste génial! Et Bradley Cooper, elle joue du piano magnifique, il chante parfaitement. En même temps, la country, c'est. Bon, à la fois, ça peut être du vraiment. Du néophyte total, mais ça peut être aussi du très bon. Et quand c'est du très bon, on le remarque. Quand c'est du néophyte, tu te dis, ah, il chante plutôt pas mal. Tu te dis pas qu'il est nul. Alors que pour les vrais gars de la country, il est nul. En revanche, quand quelqu'un chante très bien en country, tu le reconnais. Exemple, Ryan Bingham, Townes Van Sant, des mecs connus. Là-bas, c'est des dieux, quoi. Et quand tu les entends chanter, tu vois la différence avec les autres chanteurs. Avec du Bonnie Tyler ou que sais-je. Ou le père de Miley Cyrus. Ou Miley Cyrus. Et oui, et là, Bradley Cooper, je trouve qu'il est dans le ton. Je pense qu'il a autant donné de cours d'acting à Lady Gaga qu'elle ne l'a conseillé pour chanter et pour la musicalement comprendre son univers. Et Lady Gaga, qui est dans la country, c'est trop bien. Ça donne la pêche et c'est beau. Et elle est belle, elle est magnifique. Vraiment, je l'adore. Bradley Cooper aussi, il est trop. Il est vraiment de. Son personnage est vraiment très beau. Il joue parfaitement le mec de la country. En fait, il joue une espèce de Jeff Bridges de Crazy Heart, mais jeune. C'est exactement pareil, hein, Jeff Bridges dans Crazy Heart, c'est un mec de la country sur le déclin, archi connu, mais en fait qui fait que des petites salles et qui, voilà, qui est appelé de temps en temps, voilà, qui se fait voler un petit peu la vedette par Colin Farrell. Petit rappel à nos auditeurs, écoutez la bande-son de ce film qui a du Colin Farrell feat Jeff Bridges, et tu verras ça nulle part, mais tu verras ça que dans VGBM. Et là, c'est pareil, écoutez Shallow qu'on va passer, vous verrez ça que dans VGBM. C'est magnifique. Le film est grandiose. Voilà. Énorme coup de cœur. Quoi. Ah, j'ai adoré les films musicaux. Moi, c'est pas ma came, hein, je te dis. Ouais. Je trouve que ça fait un peu pitié dès qu'il y a de la musique... Qui est dans le film, tu vois, en mode insert song. Je trouve ça c'est ridicule. À part dans les Disney, ça ne sied qu'au Disney. Bah là non, là c'est parfait. Et tout. Tu vois Lady Gaga, et en plus ça sert au scénar, parce que il s'agit de Lady Gaga qui ne croit pas en elle, mais qui est parfaitement capable, et Bradley Cooper qui ne croit pas en lui, mais qui ne croit plus en lui, mais qui est incroyable aussi, et qui lui dit t'inquiète pas, moi j'ai pas tutoyé les sommets. Mais je peux te montrer que je peux te faire te libérer ton potentiel, on va dire. Ce qui est intéressant, je crois qu'il y a un peu aussi un clin d'œil aussi à sa vie privée. Lady Gaga, au début, elle chantait dans les bars et on lui disait certainement t'es moche, etc. Elle parle de son nez, de sa gueule. Exactement. Et tout, voilà. Je crois que c'est la petite référence par rapport à la bande. Ça, c'est assez grossier d'ailleurs dans le film. Mais on va dire que ça sert aussi pour un tic du film qui est cool. Ok. Un tic qui Bradley Cooper, de toute façon, c'est un gars qui a fait de la comédie romantique et c'est un gars qui t'a fait du film d'auteur. Et tout là, voilà. Là, il arrive sur le film et il te mixe les deux. Ces deux talents. Et il fait un raton laveur aussi. Il fait un raton laveur, mais c'est même pas sa vraie voix. Ouais, et là, voilà, il a mixé les deux. Il a mixé la comédie romantique du Bradley Cooper qui lâche les punchlines en étant beau gosse, avec les yeux bleus et les cheveux gras de mec de la country, toujours le chapeau, les pommettes vermeilles à cause de l'alcool parce qu'il se bute. Et voilà, et magnifique. Franchement, avec Lady Gaga qui l'aime à en mourir. Et quand Lady Gaga elle chante en country, t'es là, t'es tranquille, t'es posé dans ton siège UGC bleu. Parce que voilà, les sièges de cinéma, c'est bleu, c'est pas rouge, on est d'accord. Et quand elle commence à partir dans les graves, là, t'es thrill. Tu vois, vraiment, j'avais le poil hérissé. Okay. J'adore Lady Gaga. Juste petite question, est-ce que c'est pas un film trop classique ? Il peut l'être, pour des gens qui regardent que ça. Tu vois ce que veut dire ou pas ? Et c'est le meilleur compliment que tu puisses lui faire. La meilleure école. Ok, donc c'est un film aussi qui est pour tout le monde, alors. Bien sûr, tu peux emmener voir ta petite fille. Oui, vraiment, c'est génial. Okay. Et il y a des caméos, alors j'ai oublié de te dire. Même pas des mais caméos. Mais faut me dire peut-être, des... non ? Non, c'est... Ah, non, d'accord, okay, vas-y. C'est au casting Dave Chappelle. Okay. Qui joue lui-même et que je kiffe, Gadget Dave Chappelle, il tue. Et il y a Sam Elliott qui joue le frère de machin, et Sam Elliott qui est là pour une relation malheureusement qui n'a pas trop été poussée, qui est le frère en fait de Bradley Cooper, le grand frère, qui est en fait son manager. Rappelle-moi qui c'est Sam Elliott. Sam Elliott, c'est c'est une gueule grave connue, un sudiste 100%, un gars qui a joué dans les plus connus Ghost Rider, qui a joué dans le film là où avec comment il s'appelle là, putain j'ai oublié comment il s'appelle le film ah ok c'est bon on a la Bouncer tête, je crois voilà tu okay. vois ce gars là avec la moustache là. Oh, il est incroyable ce gars, on voit jamais ses lèvres, il parle avec une voix et tout, c'est un gars du sud en fait, ils ont pris que des vraies gueules. Okay. Et c'est trop bien ouais voilà les jeunes non mais le gars est lourd et les scènes sont hyper poignantes. Je spoil juste une scène où Bradley Cooper est dans une voiture, la caméra est à l'arrière sur la banquette, Bradley Cooper est en siège passager, Sam Elliott l'a ramené en fait chez lui en mode il sortait de désintox. Et en fait, il s'était disputé plus tôt dans le film par rapport au fait que voilà, Bradley Cooper aimait son père, mais son père qui était un alcoolique comme lui. Et il dit à Sam Elliott, il lâche une punchline, voilà, sur en fait, c'était pas papa que je. Parce que son frère, parce que j'étais pas. C'était pas papa que j'idolâtrais, c'était toi. Et Sam Elliott qui fait une marche arrière avec le frein à main sur le côté, là, des ricains. Mmh. Et vous, qui c'est voilà, sur le volant, et qui se retourne avec les yeux embués, c'était magnifique. C'était génial, c'est, okay. Moi j'adore. Touché en plein cœur, quoi. Et c'est classique ouais. Comme mise en scène, mais c'est incroyable. Ok, bon bah super. Trop bien. Bah très bien. Donc tu le conseilles vivement là. Oh oui, faut peut-être un des films de l'année peut-être pour toi. Tu le mets dans un top peut-être, 10 peut-être, ouais, en tout cas dans le top 5 facile. Ok, ça marche. Moi je vais vous parler de Un peuple et son roi. Et on avait un peu discuté. Et toi, Sofiane et Guillaume, vous n'étiez pas chaud pour aller voir un film comme celui-ci. Moi j'étais plutôt chaud, mais pour le sujet, j'avoue, moi la Révolution c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Et je me rappelle aussi d'un film avec François Cluzet, qui n'était pas un film de cinéma, mais qui était un film de télévision en deux parties, qui était un gros morceau sur la Révolution française, les deux parties, la partie on va dire Révolution et la partie Heure sombre avec notre cher la terreur, Robespierre, hein. Exactement, qui un peu, bah, voilà, il trahit tout le monde et puis il assassine tout le monde entre guillemets. Marat dans son bain, n'est-ce pas? Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, j'y suis allé aussi pour Laurent Lafitte parce que je l'avais vu dans Au revoir là-haut et je trouve que en ce moment, il est fabuleux. Et aussi dans Paul Sanchez est revenu et je le trouve vraiment incroyable. Donc je vais voir ce film et je suis surpris. Déjà, premier élément, le film a pas un style défini, il a plusieurs styles définis. De temps en temps on est dans un film classique, de temps en temps on est dans un film d'auteur, de temps en temps on est dans un film théâtral. Voilà, donc il y a un gros mélange où en fait on est un peu perdu, on sait pas ce qu'on regarde. Deuxièmement, le scénario. My goodness, comment vous dire il a deux personnages très importants dans le film qui sont le roi Louis XVI, joué par Laurent Lafitte, et Robespierre par Louis Garrel. Les deux sont incroyables. Mais quand je dis incroyables, c'est vraiment, ils ont un charisme fou et les personnages sont très intéressants. Et dans l'histoire de France, ils sont très importants. Gros souci, on les voit 5 minutes. Je plaisante pas, le film dure 2 heures, on les voit 5 minutes. J'étais frustré. Et à la place, on a les villageois, qui sont des personnages fictifs, inintéressants, clichés. Non mais... Tu pensais que t'allais voir autre chose. C'est des films qui sont faits pour être adulés par le masque à la plume. Quand tu vois un film comme ça, c'est sûr que Louis XVI il va apparaître 2 secondes parce que si c'est Louis XVI qui apparaît 1h30, c'est un biopic sur Louis XVI en fait. Ils vont le prendre comme ça et ils vont juger le personnage. Ah mais il n'était pas comme ça. Ah mais nanana. Ah mais c'est un Louis XVI de livre d'histoire. Ah mais c'est voilà. Et non. Donc ils peuvent pas se permettre. Même s'il y a un Laurent Lafitte, tu vois bien que le Laurent Lafitte aussi, ça les a arrangés aussi de pas lui glisser un chèque avec trop de zéros. Donc voilà. Et c'est ça que moi j'ai le récit républicain. Voilà, quoi, c'est quoi. Ça. C'est exactement de ça que j'avais peur. On peut être dans cette idée de tiens, on va parler par rapport au peuple, tu sais, par rapport à cette révolution. Oui. Et ben je te jure, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à la fin du film, j'ai l'impression que ce film, on montre le roi comme une victime et on montre le peuple comme des fous. Des meurtriers et des gens insensibles. Je te jure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est très bizarre parce que normalement, si on essaye de faire dans un film un certain équilibre, on va pas faire un cliché sur le roi, on va pas faire un cliché sur le peuple. Et là, c'est vraiment l'inverse. Tout le monde, alors pas les personnages importants, mais les personnages qui sont pas importants, je veux dire des personnages qui n'ont pas existé, sont des clichés, des figures, oui. Vraiment des caricatures. Pourquoi pas? Encore, ça peut ne pas être gênant par rapport au film. Mais on a 1h30 sur des villageois. Déjà, franchement, honnêtement, je veux pas être méchant, mais on s'en fout. On a Gaspard Ulliel qui est très bon dans le boulot, mais on sait pas trop pourquoi. C'est un villageois qui est pas vraiment un villageois, qui est un ancien prisonnier, qui va se faire recueillir. On ne sait vraiment, c'est une scène très bizarre, mais il se fait recueillir par des gens inconnus comme si c'était tout à fait normal. Pourquoi pas? Encore. Est-ce qu'il y a une love story dedans? Il y a une love story dedans, avec un bébé. Je te jure, il y avait un bébé avec les effets spéciaux 3D, tu sais. Oh là là. Non, alors ça, c'était vraiment très gênant. Princesse Leia, genre, ouais, un peu. Non, c'est. J'ai même envie de dire Twilight, c'est pour ceux qui ont vu le bébé Twilight. Le bébé Twilight. Bébé Twilight. Non, attention. Je suis méchant, c'est entre les deux. Ah oui, c'était le pire, ça. Et ce film, j'étais déçu, mais déjà, en un, pour les personnages qui sont absolument pas exploités. En deux, pour le film, on sait pas où il va. Donc, il part de 1789, prise de la Bastille, jusqu'à 1792, la tête du roi coupée. Ok? Donc, on est sur. Est-ce qu'il y a la fuite à Varennes et tout? Oui, il y a tout, mais c'est lourd, qui n'est pas expliqué. Mais mal joué, qui n'est pas expliqué. Mal, non, rien n'est expliqué dans le film. Alors, tu peux faire une scène de bâtard. J'imagine. Non, mais t'imagines les adolescents qui vont voir ce film, qui connaissent un peu l'histoire de France, et surtout cette période-là. Mais même moi qui connais un peu. Et pas par cœur non plus. Mais à un moment donné, t'es perdu. Mais t'es même perdu parce qu'il n'y a rien qui est expliqué. Pourquoi pas? Ça peut être un style aussi. Tu sais, t'as le temps, tu fais une réflexion. Ah, tiens, non, en fait, il se passe ça. Mais en fait, c'est très mal foutu. C'est très mal représenté. C'était très mal présenté. Après, il y a même une séquence aussi où à un moment donné, il y a un villageois, on sent qu'il est pour le roi. Et puis après, il tourne sa veste, mais on ne sait pas pourquoi et on ne comprend pas l'intérêt. Et voilà. Donc en fait, c'est un mélange. Parle-moi des décors carton-pâte, s'il te plaît. Non, les décors, ça va. Franchement, ça passe. C'est un film. La prison de Gaspard Ulliel, les chaînes. La prison. Il est en prison au moment avec des chaînes, genre façon, et les cheveux décoiffés, mais pas trop. Je pense plus. Pour rester Jean-Paul Gaultier un peu. Je pense plus à les rues, en fait. Où là, c'est studio avec des lumières, on voit qu'il y a un gros spot énorme. Mais ça m'a pas gêné, en fait. C'est pas ce qui me gêne dans le film. Moi, ce qui me gêne, c'est un film à performance aussi. Ce qui a beaucoup de. Non, il y a même pas de performance. À un moment donné, il mise beaucoup sur le casting en disant il y a lui, il y a lui. De toute façon, à la fin, il y en a plein. Il y en a plein et on sait pas pourquoi. Et le pire, c'est qu'il y a au moins 45 minutes de séquence à l'Assemblée nationale, avec beaucoup de blabla et beaucoup les textes importants. Les montagnards et tout, qui sont habillés comme des montagnards et tout. Tout ça. Et j'ai envie de te dire, à un moment donné, on voit ça et malheureusement, à un moment donné, on lâche parce que je suis d'accord, il y a, voilà, il y a l'intention. On comprend que c'est un film qui est plus sur la politique en elle-même. On est plus sur les mots, sur le choix des mots, sur cette envie aussi de changer la France. Mais à un moment donné, comment vous dire, il y a des choses qu'on peut filmer, il y a des choses qu'on ne peut pas filmer. Ou alors il faut peut-être un peu éviter de faire non plus des longueurs. Et ce film, il n'est pas catastrophique. Il est juste... on ne comprend pas l'intérêt du film. Il n'y a pas un but, il n'y a pas une représentation. Et j'ai été un peu choqué parce que franchement, même des gens qui aiment des films classiques, qui aiment des films un peu lambda, c'est pas un film lambda, c'est ça qui est le problème. C'est qu'il n'est ni lambda, ni film d'auteur. On ne pourrait même pas le caser quelque part. Et au final, moi, la sous-utilisation de Laurent Lafitte, moi, ça m'a brisé le cœur. Il va complètement tomber dans l'oubli, ce film. D'accord. Ah, mais déjà demain, j'ai oublié. Mais moi, déjà, je l'avais oublié le lendemain. Et franchement, je suis déçu. Mais je suis même pas, je suis pas en rage contre le film. C'est intéressant de faire autre chose. Après, parce que c'est ça qui a... Ils avaient fait quelques films pour le bicentenaire de la Révolution française. Des films sur le bicentenaire. Un film, je sais plus. Je l'avais vu en. Bah c'est ça avec François Cluzet, non? Oui, bah c'est ça. Pour la télévision. En comparaison. C'est un téléfilm. Ah non, mais là, alors le téléfilm est extraordinaire parce qu'on est dans une représentation de l'histoire. Alors après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y a sûrement des erreurs. On est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est comme si on lisait un livre historique. Ouais, bien sûr. Et on voyage. Il y a pas de prise de risque. Il te montre et c'est tout. Exactement. C'est là pour te montrer. Et dans celui-là. Ouais. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de risque dans le fait de choisir des plans différents. Ouais. Et même au niveau de la réalisation, je suis désolé, mais ça vaut pas le coup. Il y a des coupures, il y a des montages. Alors à un moment donné aussi, il y a un délire. Je comprends pas pourquoi, mais il y a 5 minutes, il y a des combats, et puis tout d'un coup, il y a une voix off, tu sais. Il y a la voix off d'un personnage. Je veux dire, on entend la voix off d'un personnage, et sans explication, sans intérêt. Moi, je suis arrivé là. Ça, c'est moi. Non, mais sans explication, sans intérêt. Et surtout, avec cet effet un peu à l'américaine, tu sais, parce que ça, c'est très américain, de mettre une petite voix off en mode attention, il y a une émotion, il y a sa femme qui parle, puisque je crois que c'est ça à peu près, si je me rappelle bien. Et on est là, on se dit, mais non, parce qu'on n'a jamais eu ça durant tout le film, tout d'un coup, ça arrive, et puis on ne sait pas pourquoi. Et puis le pire dans le film, c'est les combats. Parce que là, c'est. Les figurants, j'ai rien contre eux. Catastrophique. C'est juste c'est gênant. Bayek. Mais c'est gênant. Ça fait téléfilm France 2, mais même France 2, je crois qu'ils font mieux. Et en même temps, c'est pas un film. C'était des sketchs en fait de c'est des guignols. C'est Chevalier de Pardaillac. Non, c'est exactement ça. Non, franchement, honnêtement, je pense que c'est un film qui avait eu des ambitions, qui voulait faire quelque chose de différent. Ouais. Mais c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça à côté. Et ils sont passés à côté. Et Denis Lavant, tout ça, c'est quoi leur rôle là? Ils sont stylés. Enfin, ils jouent, lui, c'est Marat. Ouais. Et il y a aussi Gamelon. D'accord. Qui joue un paysan. Et j'ai rien contre lui, mais c'est vrai. Non, mais alors, je reviens sur les paysans et après on passe. Tu vois que c'est caricatural, les paysans qui se lèvent contre le roi et voilà. Bah alors, c'est la partie théâtrale. Au début, il y a une grosse théâtrale où tu sens que c'est récité, tu vois. Tu sens que c'est pas naturel. Pourquoi pas encore? Bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Et en fait, au final, non, parce qu'on comprend pas, parce qu'après, ils vont parler d'une manière plus naturelle, après, ils vont reparler d'une manière théâtrale. Et puis le pire, moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est à la fin du film, et je fais, attends, mais en fait, ils filment les paysans comme des tarés, en fait. Comme des sanguinaires, comme des... Et en plus, le pire, moi, c'est ça qui m'a encore plus gêné, c'est qu'on parle pas aussi des conditions de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les paysans sont filmés comme s'ils avaient une vie plutôt sympathique. Comme s'ils n'étaient pas en pauvreté, comme s'ils n'étaient pas sales, comme s'ils n'étaient pas... Bah, c'était pas les paysans qui souffraient le plus, pour tout te dire, à cette époque. C'était vraiment les gens qui vivaient en ville, les citadins. D'ailleurs, c'est de là que viennent les jacqueries. Les jacqueries ne sont pas faites à la campagne. Hein. C'est dans les villes. Mais c'est vrai qu'il y a un mélange. Il y a un mélange aussi à les citadins, etc. Mais, mais vraiment, c'est... Encore que bon, mais c'est pas réaliste. Et pourquoi pas encore pas crédible, et je reviens, mais c'est pas crédible. Voilà. Et pourquoi pas, ça m'a pas dérangé encore. Ouais. Mais c'est des propositions différentes. Mais au final, on a un film qui dure 2 heures en plus. Moi, franchement, ce que je retiens, c'est la sous-utilisation de Louis Garrel, qui est juste fabuleux. On fait un film sur Robespierre, mais prenez-le, il est fabuleux. Il a la posture, il a le regard, il a le personnage, qui est très fictionnel, parce qu'après, malheureusement, avec l'histoire, on va dire des choses. Savoir la personnalité, voilà, on pourra pas vraiment savoir. Mais déjà, on a déjà le ton par rapport à la deuxième partie, la partie plus violente, la plus paranoïaque, entre guillemets. On sent déjà qu'il est un peu dans cet état-là. Et la partie aussi Louis XVI, où c'est très intéressant parce qu'on ne le voit pas non plus, on ne le présente pas comme un ignorant, mais on le représente plus comme une victime, pourquoi pas, une victime d'un système, en fait. Et il est arrivé au mauvais moment, si on peut dire ça comme ça. Tu parles de Louis XVI? De Louis XVI, Ah oui, dans le film. Clairement. Hein. Et mais moi, franchement, ce que je retiens vraiment aussi, c'est cette présentation des sanguinaires. Genre, les paysans, c'est des fous, ils auraient jamais dû faire ça ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas non plus le propos du film, mais on les montre vraiment comme des gens qui étaient. Je pense qu'ils veulent sublimer aussi la fin de la monarchie française, peut-être. Non. Qui a longtemps été traînée dans la boue, quand même. Je pense pas, je pense vraiment, il y a vraiment une vision étrange. Mais pourquoi pas, elle est originale. Mais je trouve que c'est passé à côté, malheureusement. Donc je le déconseille vivement parce que ça dure 2 heures. Et vraiment une sous-utilisation des acteurs. Et franchement, si l'écriture. Pourquoi pas une écriture théâtrale, ça me dérange pas. Un film que Stéphane Bern conspirait ou pas ? Ou aimerait ? Je pense qu'il aimerait pas. Genre au moment où on coupe la tête et. Non, alors parce que ça, c'est. Non. Alors la partie. Mais alors, même par exemple. Alors, je sais pas parce que toi, t'es prof d'histoire, Sophie, ouais. Tu me diras. Mais il y a une partie, donc tu me dis si tu te rappelles ou pas dans tes bouquins. Est-ce qu'il y a une partie où normalement Louis XVI fait un petit discours avant de mourir ? Bah, logiquement, oui, il doit parler, il dit un truc avant. Ouais, d'accord, ok. Bien sûr. Non, mais parce que même quand il y a une partie là, il y a les derniers mots du roi. Guillotiné, hein. Ouais. Il y a eu dernier mot du roi, et je trouvais ça d'un ridicule parce qu'il se présente à la foule qui est gigantesque, et il y a un moment où il y a une émotion, entre guillemets, mais ça passe pas, ça fonctionne pas en fait. Ouais, c'est, et les deux gros défauts, c'est pourtant la réalisation. Laurent Lafitte. Hein. Que j'aime, que j'adore. Non, mais Laurent Lafitte, alors je vais mettre de l'eau dans mon vin par rapport à ce que j'ai dit sur lui récemment. C'est un mec qui peut te servir le meilleur et le très pire. Il peut te servir dans le pire, tu penses à quoi, dis-moi, Il peut te servir de la saloperie, vraiment. Est-ce dans qu'on le pire, pense je pense à papa ou maman ou pas là. Ouais, on pense à ça, on pense à de l'autre côté du périph, on pense à. Je pense à l'autre côté du périph. Voilà. On pense à ces films qui fait en jouant. Il y a pas J'ai 16 ans aussi, un truc comme ça, 17 ans. Oui, il fait un ado là. Ouais, ça il fait aussi, un ado gênant. À la con. Il y a aussi un film que j'ai vu récemment mais que j'ai pas pu finir avec lui et. Merde, c'est sur Netflix, il joue. C'est avec lui et Nicolas Bedeau, c'est l'autre gars. L'art de la fugue. Ouais, oui, putain, homosexuel. C'est de la putain de grosse merde. J'ai jamais vu une merde pareille. Okay. Une chiasse sans nom que je ne conseille à personne, que je conseille à mon pire ennemi. Donc que tu t'es reconnu. Regarde ce film. Je rigole. Mais voilà, pour te dire, Laurent Lafitte. Je t'attends. Voilà, je t'attends en bas des blocs. Tranquillement. Et bref, excuse-moi, c'est pour Guillaume. Et non, mais voilà, pour te dire que Laurent Lafitte, t'avais raison, dans Revoir là-haut, il est trop bien. Ah oui. Mais là, il est capable du pire. Donc là, je sais pas. Non, le résultat, c'était bien, mais pas. C'est le peuple et son roi, ou le roi et son peuple, mais il n'y a pas vraiment le roi, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas peuple, du tout le roi. Son peuple. Il y a le roi 5 minutes et le peuple 1h45. Et il y a Marie-Antoinette. Ah oui, alors non, mais on en parle pas. Elle dit pas. De la brioche, qui mange pas. De la brioche. Non, mais non, parlons avec pas. Une voix de. Ne parlons pas de Marie-Antoinette qui est sous-utilisée, qu'on ne voit même pas en fait. Ah, elle est là, 1 minute. Donc j'ai envie de te dire, moi je suis frustré. Pour dire, moi qui mange de la brioche. Voilà. Non, même pas. Non, qu'est-ce qu'elle dit ? Non, elle est là. Il y a même les gamins aussi, ils sont là. Bon, en mode figurant. Okay, c'est vraiment en mode figurant. Ils sont là et c'est tout. Ouais, mais c'est très gênant. Il y a plein de trucs sous-utilisés. Même pas Lambert Wilson, mytho, façon. Même pas, même noble pas. Et tout, parce qu'il est tout le temps là, des cas de la noblesse. C'est pas faux. Mais pour faire style, c'est vrai et tout. C'est vrai, il y avait Lambert Wilson. Mais voilà, donc les deux gros défauts, je rappelle, c'est vraiment la réalisation. Je trouve que ça n'a pas été réussi. La proposition ne marche pas. Et je comprends pourquoi. Cannes aussi n'a pas dit oui aussi pour être dans la sélection officielle parce qu'il voulait aussi, alors pour la petite anecdote, ils espéraient aller à Cannes pour faire une grosse promo et que le film soit un gros succès. Le souci c'est que Thierry Frémaux il dit ce qu'il pense et c'était un nom assez direct et ils sont allés à Venise. Bon, et aussi Lady Gaga aussi est allée à Venise aussi pour le film Star Is Born. Ouais, Mostra était. Mais voilà, donc c'est un film, moi le pire c'est la sous-utilisation et le point de vue. Mais bon, après. Je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais je pense vraiment que ça sera ni un succès, ça sera un film qu'on va oublier malheureusement, et je le souhaite pas non plus parce que le réalisateur a peut-être voulu faire quelque chose d'autre. Mmh. Puis mais il y a du budget aussi. Ouais. Oui, en plus il y a les moyens. Mais personnellement, nada quoi, rien quoi, rien à part je te dis Louis Garrel et Laurent Lafitte, mais rien à prendre. Mais non, et avec c'est un gros budget comme il dit, un gros budget, il y a des les moyens. Les précédents étaient bien, Jacques le Croquant c'était pas mal. Ouais, ça va. Pas vu. Gaspard Ulliel. Ouais, qui était pas dégueu. Hein. Et il y avait le pacte des loups. Mais lui était lourd. On fait la pause avec le groupe Alors, Texas. Par contre, et je voulais parler d'un autre film qui se passe avec un roi et un peuple qui va sortir bientôt sur Netflix. Là, ça s'appelle The Outlaw King. C'est un film boucherie garantie qui va faire plaisir. C'est avec Chris Pine dans le rôle de Robert le Bruce. Qui est l'un des premiers rois d'Écosse qui s'est autoproclamé et qui a fait la guerre ouvertement contre l'Angleterre. L'Angleterre avec le roi qui est joué par Stephen Delane. Attention. Et là, on va être comme il faut. Crois-moi qu'on va être comme il faut. Et je crois qu'il y a un petit Ben Foster qui s'est glissé dans l'affaire. Non, mais Ben Foster, il sort sur Netflix directement sur Netflix, ce qui est un peu gênant, je trouve. Je sais pas, je crois que c'est en novembre. Bah après, fin novembre. Après, on va pas faire un débat Netflix, mais c'est vrai qu'il y a aussi le film sur la jungle, mais le livre de la jungle aussi qui ah passe. Ah bon, ça je savais pas. Bah oui, parce que comme il y a eu un film, tu sais, il y a quelques années, il passe direct sur Netflix. Oh bah c'est garanti là. Il va se planter, c'est sûr. Voilà, donc c'est quoi le titre de la chanson déjà, rappelle-moi. Shallow. Voilà, et le groupe Texas aussi. Super. À tout de suite. Searching for, I'll fall in. times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself Tiens, viens ici, c'est bon, le micro est... Le ça, c'est un téléphone. De retour sur VGBM avec notre ami Guillaume qui a pris la place du chef parce que c'est la place du chef. J'ai vraiment l'impression de présenter une vraie émission de radio. Et c'est lui qui va nous faire son blind test perso qui sera en fait le numéro 4 de cette émission. Voilà. Allez, même le numéro 5, je crois. On en a fait beaucoup l'année dernière. Ouais, numéro 5. Voilà, c'est le numéro 5. Le blind test spécial. C'était sympa l'année dernière en fin d'année quand même. Il y en avait pas mal des activités, des petits jeux, des petits blind tests comme ça. Mais, alors, j'ai compris que les jeux, il y avait un souci ici avec mes jeux. Donc c'est... Ils sont pas populaires, mais non, mais j'avoue que mes jeux. On a eu un fou rire avec Sofiane et Guillaume. Ah ouais, t'es mort. Parce que j'ai proposé un nouveau jeu. Non, même un ancien jeu. Le jeu, tu sais, des titres contraires. Ouais. Donc déjà, il fallait expliquer le concept. Et puis, en fait, c'était pas vraiment le contraire. C'était plus... avec des envies, des plaisirs. Ouais, non, c'était toi qui renommais les films. Mets-nous un petit coup de doigt en l'air, là, avec le en tenant le micro. En tenant le micro, là. Voilà, là, t'es bon, là. Je vais vous expliquer le principe. Il y a combien de chansons, Guillaume ? Il y en a 20 en tout. OK. Le but, c'est de trouver le film. Mais je vous donne des points en plus, si vous me dites... Le chanteur, le nom de la chanson ou l'artiste. Okay. Un point à chaque fois. Oui. Mais on arrête. En fait, le but c'est de me donner tout d'un coup. Si vous me donnez pas tout d'un coup, ça sert à rien. Donc c'est juste le film. Ok. Et si tu peux me donner le reste, tu me l'as. Ok, donc je rappelle juste aux auditeurs, nous avons Ismail à gauche, nous avons Sofiane à droite, et il y a ma personne aussi au milieu. Donc on est trois à... avoir honte déjà dans l'avance. Mais donc alors on rappelle juste, donc on trouve le film un point, ou on trouve une autre information, un point aussi, c'est ça? Voilà. Mais si on trouve le titre, le nom du film et le chanteur, est-ce qu'on a 3 points? Ouais. D'accord. Donc on est parti. C'est parti. Alors maintenant, tu prends, voilà. C'est toi le chef. Donc, c'est toi qui as les rênes. Ok, on y va, les amis. Première chanson. Pourquoi j'appuie sur play, ça marche pas. Ça commence bien. Je te jure, ça ne marche pas. Mets une autre chanson, peut-être. Ok. Je la sens bien, cette émission. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Oh, le fail. Ah là là, tu l'ouvres avec Winamp. Ou avec quoi? Travel ou pas? Tu feras un petit montage, ouais, Jérémy. Hein. Voilà. Donc, petit montage, bien sûr, qu'on devra faire. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, ça marche. Okay, ah, ça, c'est la meilleure chanson de la Terre, je crois. C'est ça. Voilà. Et là, ça, c'est moi toujours. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est moi toujours. Et là, ça ne marche pas. Alors, on va voir. Sinon, entre-temps, comme vous voyez que ça ne marche absolument pas, nous allons mettre le générique. Mais on est en direct ? Ce soir. Non, mais on t'entend. Je sais. Le petit faux départ. Bah c'est pas grave, espérons hein, ça arrive. Que ça marche cette fois-ci. Il y a des durées qui s'affichent, donc je me dis que ça doit être plutôt bon. Petite aussi. Alors il y a, pour moi, il y a une chanson qui apparaît dans un autre film, mais je veux pas ce film-là. Ok. D'accord. Donc voilà. Ok. On est parti. Premier. Trance de Danny Boyle. Non. Mommy de Xavier Dolan. Non. Film de 2006. Film américain. Yes. Le réalisateur est canadien. Ah, je connais. Avec ça. Steve Carell. 40 ans de chanson. Non. Avec Steve Carell. Film indépendant, un road trip. Little Miss Sunshine. C'était The Winner Is. Vous connaissez cette musique en plus. Composée par Michael Donlar pour Little Miss Sunshine, donc film sorti en 2006, réalisé par Jonathan Day et Valérie Fari. Ok. Film qui est très réputé en fait. Parce que dès qu'on parle de. T'as dit quoi ? Non, mais il est très réputé quand même. Alors, moi, j'aime bien ce film, je le trouve. Ah très bah cool. Voilà, bah. Ok. Alors, prochain. Faut que tu coupes d'abord le premier. Et... Voilà, parfait. On est parti. Ah putain. Ah bah oui. C'est. Saut so non. Ça a l'air d'être un film psychologique là. Non. On est sur un réalisateur qui a été. Non, donne pas trop d'indices, donne pas trop d'indices tout de suite, attends. Ça c'est du blockbuster ça, non? Non? Ça me dit le piano. Il, alors, ah. Le, c'est aussi dans Kick-Ass, cette chanson. Elle est dans Kick-Ass. C'est du Hans? Non. Est-ce que je vous donne un petit indice? Ouais, là, ouais. Une année ou... Ah, une année, tu veux? Ouais, ça nous donne... 2016. Est-ce que le film, il est connu ou pas? Oui, très connu. C'est une suite d'un film très connu, mais qui est aussi... Inception? Non. Une suite d'un film très connu, mais qui est aussi bien que le premier, mais qui est moins connu. Est-ce que ce serait The Dark Knight? Non, pas du tout. Non. Non, ça, c'est l'inverse. Ouais, je vous donne un indice ou pas? 2016. Attends, ouais, ce thème apparaît à un moment où on suit un sniper sur un toit. Mais c'est le thème général du film. Sniper sur un toit. En 2007, il y a un truc de sniper. Bon, allez, je vous donne un gros indice. C'est, est-ce que c'est trouver. La mémoire dans la peau? Non. C'est un film de zombies. Shaun of the Dead? Non. Non, c'est une suite. C'est 28 semaines plus tard. Et alors non, ça a été réalisé par Juan Carlos Prenenesner. Ouais. Mais en plus j'allais dire Danny Boy tout à l'heure, mais si c'est pas lui. Cette musique apparaît au début dès que Robert Carlyle court et laisse sa femme derrière lui. Et voilà, mais c'est le thème général du film. Le film est lourd. Alors prochain... Allez vas-y, j'aime bien, bon blind test en tout qui cas. Qui a fait le son de la musique? Ah oui, excusez-moi. Alors la musique c'est John Murphy et c'est donc 28 Team. Ok. Ah ouais, le. Là c'est la scène de fin d'un film. Mister Nobody? Non. Un super film. Il y a des. Pianiste? Ça se passe dans un aéroport. Le terminal? Non, le film se passe pas dans un aéroport, la scène se passe dans un aéroport. Love Actually? Non. C'est un film d'action. Enfin, un film d'action. Thriller de. C'est là. Policier. Dans un aéroport. Ricain. D'un très grand réalisateur. Un film culte. Et là, on est pas sur les du film. Pas sur l'aéroport. Non, sur la fin. Ah, ouais. Film sorti en 96. 87. Mais si je vous dis les acteurs, vous allez tout de suite savoir. Bodyguard? Non. Hein? Si. Ah! Non, c'est quand ils. Ouais, voilà, Michael Mann. quand il se tire dessus sur le tarmac et qu'après De Niro. Et donc c'est une chanson. Alors c'est une musique de Moby. Voilà, c'est ça, c'est la musique qui n'a rien à voir avec le reste du film. Qui s'appelle God Moving Over the Face of the Waters. Ok. Film qui dure 3 heures, hein, si je ne me trompe pas, 3h10, c'est ça? Ça, c'est osé quand même dans les années 90 de foutre un film de 3h10. Alors là, ça commence par un extrait et je vous conseille d'essayer de repérer la voix. Ok. Reservoir Dogs. Pulp Fiction. À la musique, tu peux reconnaître quel type de film c'est. Jackie Brown. Est-ce qu'on est sur du Tarantino là? Non, on n'est pas sur du Tarantino, mais on est sur un réalisateur qui a son genre de film. Et l'acteur qu'on a entendu, c'est un acteur qui revient souvent dans ses films. Est-ce qu'on serait sur de Rodriguez là? Non. Non, j'ai pas la réponse, franchement. Je pense que j'ai pas vu ce film. Franchement, la musique me dit rien. Est-ce que c'est la musique qui durant tout le film? Non. Ou c'est non, juste non. Une séquence là? C'est un truc original, mais c'est pas. Est-ce que tu peux nous donner des indices? Parce que là, on c'est un film alors avec George Clooney et Jennifer Lopez. Un film des frères Coen. C'est ça ou pas? En 1998. Ah, J'accepte pas le nom français, hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis sûr que je l'ai vu. C'est un film d'action, non? C'est une comédie. C'est un road trip. Ça s'appelle en Amérique. Pas 60 minutes. Hein? En Amérique. C'est un film d'époque. Non, c'est pas du tout un film d'époque. C'est pas un film d'époque. Non. Ça va finir, là. Je vais être obligé de vous dire le nom. Ah, il y a un autre extrait. C'est lui, c'est George. Ouais. Yeah, you see those posts out there? Et là, putting up another fence about 15 feet past the fence that's already there, you know? You figure, mira, we non, mais là, c'est pas lui, là, c'est comment il s'appelle, le gros mexicain qui fait tout le monde. Another time, 19 days, baby? Yeah. I don't think so, you know? So tonight, when it gets dark, by the thing, I'm out of here. Bon. C'était quoi? Alors, c'était un film que j'affectionne énormément, qui est pas très connu, qui est un film de Steven Soderbergh. Ah, le gamin. C'est vrai que tu dis George Clooney, c'est Soderbergh. Ouais, bah ouais. Donc un film de Soderbergh qui s'appelle Out of Sight, donc Hors d'atteinte en français. Wow. Et la musique, c'était I Think You Flooded It. Donc c'est ce que l'agent lui dit au début. Et c'est de David Holmes, un compositeur irlandais. Alors là, ça va être un peu particulier. Alors, juste te demander d'aller un petit peu plus vite okay. Par rapport au temps. Moi. Non, il n'y a pas de souci. Non, non. C'était toi qui gérais. Non, mais. Ah, t'as vu, mais. Après, non, mais si tu veux rester enfermé dans cet endroit, ça ne me dérange pas. Mais... T'as mis les huis clos. Là, c'est très particulier. Oh. Alors là. C'est l'acteur du film qui chante. Et quand tu me demandes d'aller plus vite. Excuse-moi, c'est pas de ma faute. Non, là, c'est vous qui le trouvez. Je ne t'en veux pas. C'est dur. Ça, c'est du Russell Crowe, ça, non? Non. Non. C'est un très très grand acteur. C'est pas Jeff Bridge? Hein? C'est pas Jeff Bridge? C'est un film qui est sorti, oui, je dirais, alors en 2014. Ah, c'est récent. Ouais. 2014. Ouais, je crois que c'est un film irlandais, si je dis pas de bêtises. C'est pas Colin, non. Alors c'est peut-être pas irlandais, mais en tout cas c'est de UK. Ah, putain, c'est Michael Fassbender et c'est le film où il a un truc sur la tête. Ouais, putain de merde, comment ça s'appelle? Charlie. Non, c'est Je suis quelqu'un. Putain, non, je l'ai vu en plus. Non, le titre anglais c'est un prénom. Michael? Non. Non. C'est Pete, c'est Adam, c'est quelque chose comme ça. Non, vous allez pas trouver. Hein. Merde. Et j'ai trouvé le chanteur. C'est vrai, t'as trouvé. Ouais, j'ai un alors, petit c'était Frank. Ah oui. J'ai grave kiffé ce film. Oui, qui est très très cool. Ouais. La chanson c'est Secure de Galactic Perimeter, interprétée donc par Michael Fassbender dans ce film des années 2014. Non, ouais, j'aime bien, ça me fait rire. Là, on est sur du, là, on est sur du chef-d'œuvre. Attention. Un film sorti en 2016. Un des plus grands réalisateurs qui existent. Il faut, réfléchir pour qui. Gondry. Hein? Gondry. Qui est le meilleur réalisateur pour toi? La Cité aux Z. Non. On est sur un thriller horreur. Thriller horreur. Bon, si je vous dis l'actrice, vous allez tout de suite trouver. C'est Nicolas Winding Refn. Ouais. Et c'est le film avec Neon Demon. Ah oui. Alors la chanson c'est What Are You, et le compositeur, t'aurais pu le trouver, c'est Cliff Martinez. Bien sûr, bien sûr. C'est le mec de. Le, ouais, c'est le... C'est pas sa meilleure BO d'ailleurs. Ah, c'est pas son meilleur film non plus. Non, vous avez tort tous les deux, mais c'est pas grave. C'est pas son meilleur film. Ah non. Ah non, c'est pas son meilleur film, mais il est très bien. Bah, c'est bien. Ouais. Parce que moi, non, mais moi quand je dis quand c'est pas son meilleur film, c'est que chose, ouais, j'aime pas bien trop, tu vois. Vous avez un démon. Non, mais franchement, j'ai pas accroché sur ce film, mais après, c'est perso. Mais... Ouais, c'est spécial. Je connais. Putain. Et pareil, je veux pas le titre français. Love Actually. Non. Mais c'est dans ce genre de délire. J'adore, c'est Music and Lyrics avec Hugh Grant et Drew Barrymore. Tu sais que c'est un de mes films préférés. Waouh, putain. J'adore, c'est un coup de cœur, c'est un film. C'est comédie romantique comme tu les aimes, je pense, Sophie. Parce que c'est, c'est. Et là, c'est le titre mais d'entrée du film bien. Qui commence par un faux clip. En fait, Hugh Grant joue un ancien, ouais, un ancien chanteur de pop, une espèce de Michael. De George Michael. Et donc la chanson c'est Pop Goes My Heart. De Popo, c'est ça? Et de ça? Popo, ouais. De Pop, m'a écrit. Je kiffe de ouf ce film. Bon, là on est sur la meilleure BO qui a jamais existé. Le monde au Nemo, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà on sent qu'il y a un côté un peu spirituel dans cette musique. C'est un film de 2014. Si je te dis que c'est la meilleure BO, bon, j'avoue, j'avantage Sofiane, parce qu'il peut, il peut trouver. Pour moi. 2014. 4 ans. C'est un petit côté sous-marin, je trouve. Alors, pas du tout. Ok, pas du tout. C'est une scène de hantise. Ah, oh, c'est... Pas du tout. Non. Ah, ça aurait pu. C'est vrai. Ça ressemble bien au film. Shame? Non. Ok. Non, c'est pas... Ouais, trop. Mais... Dans le délire, tu vois. Un ah, film... Voilà, si je vous donne les acteurs, vous allez les trouver. Bah, un autre indice, peut-être. Ah, peut-être un autre indice un petit peu plus large. C'est un film quoi? Qui est vraiment connu ou... C'est un thriller. Ouais, c'est très connu. Thriller, c'est un thriller. C'est un thriller, ouais. Ah non. C'est un thriller de 2014. Il y avait quoi en 2014? Je m'en rappelle même plus. C'était il y a 4 ans donc. Un compositeur de BO que j'adore. Genre Sofiane, tu trouves pas? C'est abusé. Que t'adores, mais t'en as plein. Non mais avec qui je vous prends la tête tout le temps avec. Et je l'ai passé celle-ci dans CQLB en plus. En interlude, ouais. C'est un film, bon, ouais, je vais vous dire les acteurs. C'est quoi l'histoire du film? Ça va nous aider, ça. Non, si je te dis là, tu vas. Ah, d'accord. Ouais. C'est quoi les acteurs? Acteur Ben Affleck. Ah, Gone Girl. Ouais, du temps. Donc, c'était Sugar Storm, Trent Reznor et Atticus Ross. Donc, un super film de David Fincher sorti en 2014. Ouais. Grosse surprise, ce film. Moi, quand je l'ai vu, je m'y attendais pas, tu vois. C'est bien. Ah, j'adore. Grosse claque. Anglais. Anglais. Bon, déjà, vous pouvez Je sais pas qui est-ce qui a déjà trouvé Gone Girl, c'est toi? C'est ouais, c'est moi. Non, non, c'est à zéro point, Ismaël. C'est en même temps, c'est en même temps. Vous pouvez reconnaître la voix du chanteur qui est très cool. Non. C'est pas Ryan Gosling. Il joue pas dans le film, hein. C'est lui qui a fait toute la BO du film. C'est un petit film indépendant anglais qui est sorti en 2010. Et on est dans un thème que t'as abordé tout à l'heure, Ismaël. Mais je joue sur les mots. T'as abordé quoi tout à l'heure? Non. C'est vraiment un film indé. Hein. Un film de Richard Ayoade. Oh là là. Qui est connu pour son rôle dans IT Crowd. Et le chanteur c'était Alex Turner, donc le chanteur des Arctic Monkeys. C'est quoi le film? Submarine. Stuck on the Puddle. Alors là les gens, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un super bon film, tu devrais le voir. Ouais, sur un petit garçon qui tombe amoureux d'une fille. C'est très classique, mais c'est très bien avec une BO très cool. Prochain. C'est un film qui est sorti en 2007. Alors là, non, si je vous le dis, ça va être très simple. Vous allez trouver, mais le réalisateur, c'est aussi le compositeur. Il a sorti un film il n'y a pas très longtemps. C'est un film de Quentin Dupieux. Ouais. Wong. Steak. Steak, ouais. Non, c'était donc Skate Steak de Mister Oiseau. Pour Steak. Ouais, Mister Oiseau, ouais, ouais. Et là, on est sur une des scènes les plus mythiques du cinéma pour moi. Ocean 12? Non. Je pensais à Capoeira de Vincent Cassel, mais c'est pas ça. Non, non, non. Est-ce qu'on voit des gens danser sur cette musique? Oui. C'est un peu logique. C'est en live. La même chanson est chantée en live, normalement. C'est un film. On en a parlé il y a pas si longtemps. C'est un film qui est sorti en 2006. Si je vous dis les acteurs, vous allez trouver pareil. C'est une espèce de thriller policier qui se passe dans une ville de Floride. Bad Boys, non? C'est une brigade, mais ils sont deux ou... Ils sont deux. C'est un duo. Les rivales. Ah. Quand il est dedans, il l'amène à Cuba. Quand il lui dit, vous voulez boire quoi? Il dit, bah, un mojito. Il fait pas mal bien, on prend le... Donc c'était Aranka des Manzanita. Deux Manzanita. Hein. Donc My Indian Vice, film de Michael Mann. Là vous avez intérêt à trouver. Non, un film de 2000. Un film full 2000. Avec une BO full 2000. Non, non, l'ambiance, elle rappelle vachement le film. L'ambiance de la chanson. Qui à l'époque était un film de ouf. Hein. Enfin, qui était attendu comme un film de ouf. Je l'ai jamais vu, mais apparemment, il est pas si ouf que ça. Un film que t'as pas vu? Non. Et c'est pareil, mais tu vois, c'est pareil si je vous donne les acteurs. Mais c'est un film qui a une espèce de twist au dernier. Ok, bon, on fait des gestes un peu obscènes. Alors c'est un film de Danny Boy. De Danny Boy? Ouais. Trainspotting? Trainspotting? C'est avec C'est avec Leonardo DiCaprio. La plage? La plage. Et ouais. Ah, bien joué. Il t'en reste combien, Guillaume? Dis-moi. Il en reste 5, 6. Bon bah c'est bon, alors prends ton temps, prends ton temps. T'as 10 minutes. C'était... Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai que ça, c'est vraiment bien ça, les 2000, celle-là. C'est pas Kylie Minogue. C'était All Saints, Pure Shores. On dirait Kylie Minogue. J'allais dire Spice Girls, mais non, c'était pas assez pop. Ah, c'est vrai que, ouais, j'ai pu comprendre. Ouais. Spice World, waouh. C'était cette époque-là. Alors là, c'est un... pas un remake, ce serait plus un remaster, une colorisation. Et du coup, ils ont refait la BO pour ce film. Alors là, je serais incapable de vous donner les acteurs. C'est un film qui a été du coup remasterisé en 2012. Qui est un film muet. Sorti en 1902. Ouais. 1902 ? C'est de Eisenstein ? La BO ? Non, pas du tout. Non, non, le film. Non. C'est un film de 1902 qu'on cherche. Ouais. C'est un français qui l'a réalisé. La Lune. On trip to the moon. C'est pour le remake de 2012. Voyage dans la Lune, ça. Et la chanson, c'est okay. Astronomy Club, et c'est R qui a composé la BO de ce... Ok, bon. Bah, sympa comme info quand même, parce que j'avais pas du tout qui refaisait des... Alors là, c'est assez particulier, ça dure pas très longtemps. Alors, il va falloir que vous soyez très rapide à trouver. Et vu le moment où vous pouvez trouver. American Pie ? Non. Magic Mike ? Mais non. Je sais pas, je peux pas dire. High School Musical ? Mais non, on n'entend pas ce qu'il raconte. En gros, là, il est en train de dire que tout le monde a le sida. C'est juste le tout début. Rocky Horror Picture Show ? Pas du tout. C'est un film musical. Un film de 2005 qui a quelques chansons mais qui est pas un film musical. Qui est une comédie. Un peu potache ou pas? Bah, très potache. Déjà. Idiocratie? Non, c'est un film avec des puppets. 2005? Le retour des moupettes? Le retour des moupettes? Y'a pas American dedans? Eh, vous avez pas trouvé. Matt Damon. Exactement. C'était Everyone Has AIDS, donc écrit et chanté par Trey Parker, donc le créateur de South Park, ouais. Avec Matt Stone. Et le titre du film, c'est Team America War Police, voilà. Que je vous conseille à tous de regarder, qui est très très cool. Monde, là, c'est, ouais. Putain, c'est là que ça vient, à chaque fois que quelqu'un dit Matt Damon, je réponds par Matt Damon. Ok. Alors là, on cherche un film extraordinaire, un chef-d'œuvre du cinéma. Et une scène culte qui déclenche tout le film. C'est un film de 1998. On serait pas sur du Tarantino là ? Pas du tout. Ok. Si tu veux la scène, la femme annonce à son mari qu'elle a déjà eu du désir pour un autre homme. Et ce qui va créer tout un. Tout une, tout un le man va partir en couille. C'est des frères Cohen ? Pas du tout. C'est un réalisateur qui est aujourd'hui mort. Tony Scott ? Non. C'est son dernier film. Il est mort pendant le tournage. Ouais. Un réalisateur qui est mort en 98. C'est avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Ace Watch Shot. Qu'est-ce qu'il y a dit en fait ? Non, mais c'est moi et Sophia. C'était des Baby D de Bad Bad Thing. Vous auriez pu au moins trouver le titre. De Chris Isaac. Qu'est-ce qu'elle trouvait ? Mais ça a pas été déjà réutilisé autre part. Mais là, c'est une scène inédite. Ok. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Je regarde tes mal. Là, pareil, on est sur un autre chef-d'œuvre. fait très GTA 3, l'intro de GTA 3. Ouais, GTA 3, ouais. Avec la meuf, là. On est sur un film, alors si je dis pas de bêtises, 97 peut-être. Ah. Excusez-moi. Il y avait Dr House aussi un peu. Ouais, aussi. 99, autant pour moi. 99, un film américain inspiré d'un bouquin. L'indice qui va beaucoup t'aider. Qui a eu une suite, le bouquin, il y a pas longtemps. Oh là, attends. Fight Club. Ok. J'aurais pas du tout reconnu. C'est le thème de Marla, écrit par les Dust Brothers. Ça, c'est des frères, je sais pas quoi. Ouais. Non, Dust Brothers, ouais. Ok. Hop. Bon, là, il va falloir. Va faire la vite parce que celui-là il va être difficile à trouver, je pense. On est sur un classique du cinéma d'horreur. On serait sur Scream ? Non, pas du tout, parce que c'est un film de, si je dis pas de conneries, c'est pas l'Exorciste ? De 80, film italien. Voilà, c'est pas italien, mais en tout cas Suspiria. Suspiria. Le compositeur italien. Ah, ça change tout. C'est un film qui a fait énormément de polémique à l'époque. Exactement. Ouais, l'indice. Bah écoute, fais attention un peu aussi. Hein. En même temps, j'avais pas le trouvé, donc c'est faux. Ouais, moi non plus. Donc c'est le thème principal de. Moi j'étais parti sur Cario. De Cannibal Holocaust, écrit et composé par Riz Ohtarlonen. Qui a fait beaucoup jaser à l'époque. Ça c'est très facile à trouver. Brigitte Bardot, un truc. Ah non. On est sur un film de 87. Une reprise musicale de cette chanson là. Ouais, il y a eu une reprise il y a pas longtemps par Pitbull, je crois, un truc comme ça. Une horreur. Ouais, par Pitbull qui se trouve dans Men in Black 3, c'est la chanson de Men in Black 3. Ah, bah on a avec Pitbull. Donc un film de 87. Ouais. C'est quoi le film thriller film non, non, pas du tout, c'est un teen romantique, on va dire. Avec Emile Ardolino. C'est un film ultra connu, mais la chanson principale de ce film, c'est pas celle-ci. Mais c'est une chanson qui est. Enfin, le film en lui-même. Dirty Dancing, non. Exactement. Non. C'est Love is Strange, chanté par Mickey et Silva. Ouais, c'est ça, dans un camp, je crois. Dans un camp. Alors, celle-ci, je l'avais laissée pour. Pour Léa, mais elle est pas là, donc je vais le mettre quand même. J'espère que peut-être Jérémy peut trouver. C'est une comédie musicale. Hey! Oh! Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans en français. Reconnaître les voix. Là. En français. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une. C'est bon, j'ai trouvé. Petite gare, c'est que les chansons d'abord guerre, non. C'est avec Louis Garrel, c'est de Cassophe Honoré. C'est les chansons d'amour. Donc, les chansons d'amour. Vois comme tu te couches. Alors c'était Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Comme vous pouvez entendre, interprété par Louis Garrel, Ludivine Saignée, Salier, pardon, excusez-moi, Clotilde Esme, et composé par Alec Baupin, qui fait toutes les BO de Christophe Honoré. C'est des chansons originales ou c'est des reprises? Ouais, c'est des chansons originales. Petite garce, va donc te faire oublier. Tu n'aimes pas ça. Et la dernière. Allez. On est sur combien plaisir. Sur les points là? Est-ce qu'on a vraiment compté? Ouais, parce que. Ouais, on est pas obligé de savoir. Hein. Entre nous. Ouais, entre nous, ouais. J'ai l'impression qu'on est pas. Dans... C'est un facile ou un difficile? Non, ça c'est très difficile. Waouh. Pas dis-nous tout de suite la date qu'est-ce comme ça. Chose que la vie des sens, bah, c'est dans les années 60. Un alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. On n'est pas sur le Gainsbourg là. C'est Gainsbourg. Et du dégoût à l'appétit. Est-ce qu'il joue dans le film? Il joue dans le film. Ta gueule, laisse-moi finir. Est-ce qu'on serait dans un film de Godard? Pas du tout. Est-ce qu'on serait dans un film de René? De René. Alors je vais vérifier parce que je suis pas sûr de. Alors c'est un film de 67. Bonnie and Clyde ? Pas du tout. Ils ont pas fait de version. Non, pas du tout. C'est un téléfilm. Oh non, non, mais on va jamais trouver. Mais... Réalisé par. Je t'aime beaucoup, mais là. C'est non, mais parce que la BO est très cool. C'est un film avec Anna Karina. Tu te fais plaisir en fait, tu mets les chansons. Et genre, je se divertir. Bon, alors dis-nous, c'est quoi là ? Tu sais de qui c'est ? Anna. Avec Anna Karina qui s'appelle Anna. Non, non, c'est un très bon film et toute la BO a été composée par Agnès. Et il chante. Voilà où ça mène. Eh ben, merci beaucoup. Un poison violent, c'est assez rare pour le noter. Bah merci beaucoup Guillaume pour ce pour être rentré dans ton univers. Hein ? Pour être rentré dans ton univers musical, parce que c'est un peu ce que tu aimes aussi, ce que tu nous as présenté. Exactement, j'ai mis que des trucs que j'aime. On est à 5 points pour Sofiane et 6 points pour Jérémy. Et un seul point pour Ismaël. Et voilà. Et ben la semaine prochaine, c'est notre cher Ismaël qui va nous faire un petit plan de test. Tiens. Non, mais la semaine prochaine, je suis pas là. Je et ben dire. Il est pas là. Alors c'est Sofiane. Tiens. Okay. Si tu peux nous mettre des trucs un petit peu plus évidents, même si j'ai beaucoup aimé. Ça est pas évident. Ah, c'était difficile ton plan de test. Mais c'est bien. Au moins, il y a de la difficulté là. Mais un peu plus évident. Mais qu'est-ce qui est mieux, la découverte ou le... Dans les films, hein, pas dans le. Ça peut être des musiques un peu moins connues. Mais... C'est sympa la découverte aussi, pardon. Ah, mais moi, je suis totalement open. Voilà. Je ne dis pas non. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour tout le travail et bonne présentation en plus avec toutes les précisions, titre, chanteur, date. Il fait ça bien. Ouais, c'est parfait. Et il est 20h10 les gens, donc on se dit au revoir et j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire merci pour cette émission parce que vous avez été super et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bisous. La bise. Merci beaucoup Guillaume, c'était super.